نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله ومرحبا بكم مرة أخرى. Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer par une petite révision et ensuite on commence par le nouveau bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On avait dit que arkan as-sawm, il y avait deux grandes choses. La première, c'était l'intention, que sans intention il n'y a pas de siyam. Pourquoi? On doit faire l'intention pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon il n'y a pas de siyam. C'était la première des choses. La deuxième, on avait dit l'imsak عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Deuxièmement, s'abstenir de du manger, des rapports, etc. du fajr jusqu'au maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, on avait dit à la man yajib, yani qui doit faire le jeûne, qui doit faire le jeûne. Pas tout le monde doit le faire, certains doivent le faire. Qui? Premièrement, on avait dit le musulman, donc pas le croyant. Mais on avait montré avec des dalils que le musulman, pas le kafir. Mais on a montré avec des dalils que le kafir, il doit aussi le faire. Il doit, c'est-à-dire rentrer en islam et le faire. Et que ils seront, yawm al-qiyamah, ils seront châtiés et punis pour n'avoir pas fait les obligations et avoir fait les haram. Il y a toutes sortes de haram. Deuxièmement, on avait dit l'aql, c'est contre le mujnoun, le fou. Hada, Allah Azza wa Jalla ne lui demande pas de faire le jeûne. Pourquoi? Parce que le fou n'a pas l'intention. Il faut qu'il soit conscient pour qu'il fasse l'intention. On avait dit le balir, c'est-à-dire quelqu'un de pubère. Celui qui n'est pas pubère, il n'est pas obligé de le faire. Mais de préférence, j'ai dit que on doit apprendre à celui qui a par exemple 7, 8, 9 ans, on doit lui apprendre à faire les adorations, surtout comme quoi? Comme le jeûne et comme surtout la salat. On avait cité certains hadiths que les compagnons, les femmes, radiallahu ta'ala, qu'elles prenaient leurs enfants, yani qu'elles leur faisaient des sortes de jouets avec de la laine et qu'elles les laissaient jouer pour qu'ils oublient qu'ils ont jeûné. Comme ça, c'est pour leur apprendre. Et quelqu'un qui n'est pas pubère, quand il fait une adoration, n'importe quelle adoration, quand il l'a fait, celui qui lui a préconisé de lui faire, celui qui lui a dit par exemple fais là, soit son père, soit sa mère, ils ont le ajr, ils ont les récompenses, car ce sont eux qui lui ont dit il faut faire cela. Et lui aussi il a le ajr. Pourquoi? Car il y a un hadith sahih où il est dit qu'une femme, pendant le hajj, a pris un enfant entre ses bras, elle a levé en haut, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que celui-là il a un hajj? Il a dit oui, voilà qu'il ajra. Naam, il a le hajj et tu as l'ajra et tu as la récompense. Quand il a dit oui, ça veut dire que il a le hajj, donc il a les récompenses et les bienfaits du hajj. Ça, donc le mustahab, quand on fait quelque chose de recommandé, celui qui n'est pas pubère, quand il fait quelque chose de recommandé, il a le ajr. Mais quand il fait quelque chose de haram, il n'a pas le ithm. Voilà la différence. Donc nous, si on apprend aux enfants, on a le ajr aussi. Et s'ils font le péché, ils n'ont pas de ithm. Bien sûr, celui qui n'est pas pubère, s'il fait par exemple le hajj, avant d'être pubère, il a le ajr. Mais quand il sera pubère, il est obligé de refaire ce qu'on appelle hajjat al-islam. Parce que celle-là, celle qu'il vient de faire, c'est seulement une nafila pour lui. Mais l'obligatoire, il doit le faire quand il sera pubère. Ensuite, on avait dit As-Sahih al-Muqim. As-Sahih al-Muqim. As-Sahih, ça veut dire que celui qui est malade et celui qui ne peut pas, etc., celui-là, il n'est pas obligé de faire le siyam. Et on va parler maintenant avec quelques détails sur cette chose-là. Ensuite, Moussafer. Moussafer, celui qui est en voyage aussi, il n'est pas obligé de le faire. Et c'est la chose dans laquelle on va parler aussi aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, Oyajibu, an takuna al-mar'atu tahiratan min haydhu an-nifas. Et la femme, quand elle a des louches ou là, elle est en plein menstrue, elle ne peut pas le faire, même si elle le fait, c'est interdit. Même si elle le fait, elle a des péchés. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla dit de ne pas faire, et elle a désobéi, elle a fait en plein menstrue, donc elle aura des péchés. Non seulement elle n'a pas de hajj, mais elle a des péchés. Maintenant, on va commencer par ceux qui peuvent manger et ils ne rattrapent pas. Ils peuvent manger, il y a certains gens, une catégorie de gens qui peuvent manger pendant le jeûne obligatoire Ramadan, ils peuvent manger et après, quand le Ramadan se termine, c'est pas la peine de rattraper. Cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la fidya, c'est-à-dire ils font manger quelqu'un pour chaque jour, pour avoir mangé, et d'après les jours qu'il a mangé. On va voir qui c'est ces personnes. Yurakhasu al-fitru li Sheikh al-Kabir. Le vieux, celui qui est vieux, qui a atteint un âge où il est devenu très faible, il ne peut pas faire le jeûne. Celui-là. Ou le mar'atu al-ajuz. Et la vieille aussi. Il n'y a pas de différence entre une vieille et un vieux, qui ne peuvent plus faire le siyam. Peut-être à 75 ans, peut-être à 80 ans, je ne sais pas, c'est d'après les personnes. Ça varie d'une personne à l'autre. Ou le marid, elle a dit, la yurja bur'u. Ou le marad, aussi le marad, elle a dit, la yurja bur'u. Ou le marid, neuf séché. La maladie, ou bien le malade, qui sait qu'il ne peut pas être guéri. Il y a des maladies, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des maladies, elles sont incurables. Jusqu'à de nos jours, ils n'ont pas encore trouvé leur médicament. Quand je dis elles sont incurables, ça veut dire elles sont incurables jusqu'à ce jour. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de médicaments. J'ai déjà dit une fois qu'il y a un hadith sahih qui dit qu'il n'y a pas une maladie qui n'a pas de médicaments. Mais, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alimahu man alimahu wa jahilah man jahilah. Mais, yani, ceux qui l'ont su, l'ont su. Ceux qui l'ont ignoré, ils l'ont pas su, ils l'ont pas su. Donc, on doit chercher, car chaque maladie a son médicament. Allah Azza wa Jalla ne descend aucune maladie sans qu'il ne descende avec elle son médicament. Donc, il y a des gens qui ont des maladies chroniques. Comme par exemple, ceux qui ont le diabète. Quand on est diabétique, on sait que pour l'instant il n'y a pas encore de médicaments. Donc celui-là par exemple, s'il fait le jeûne, hein, il peut avoir des maux, il peut s'évanouir, il peut etc. Celui-là de préférence, s'il est de ce genre, il a essayé, il sait qu'il ne peut pas, de préférence qu'il ne fasse pas. Et Allah Azza wa Jalla a dit, la ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas, ne vous suicidez pas. Wa aydan, bien sûr, on va parler maintenant de détails. Et qui c'est encore ceux qui peuvent manger? Ashabul a'mal shaqa. Ceux qui travaillent des travaux très durs. Il y a des gens qui travaillent des travaux très durs du matin jusqu'au soir. Comme par exemple, Allahu a'lam, je donne un exemple, par exemple, les mineurs. Celui qui est sous la terre du matin au soir avec yani, des machines, etc. C'est très difficile pour lui. Pour faire quoi? Pour faire le ramadan. C'est pour ça que ceux-là, ils peuvent manger. Ceux qui ont des travaux très, très durs et très difficiles. هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر إذا كان الصيام يجيدهم. Tous ceux-là, toutes ces personnes peuvent manger s'ils savent que le jeûne va les fatiguer ou bien va les faire tomber malades. ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة. et ils savent que yani, pendant toute l'année, yani, ils sont toujours dans le même état, toujours comme ça faible, toujours comme ça malade. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il peut pas rattraper. Il est toujours comme ça, il est toujours malade. C'est pour ça, celui-là, il n'est pas obligé de rattraper. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait manger quelqu'un à la place du jour où il a mangé. Maintenant, c'est un peu, yani, particulier pour ceux qui, j'ai dit, font des travaux à l'eau. Peut-être la personne va me dire, mais cette personne qui fait des travaux difficiles, elle peut le rattraper après. Moi, j'ai dit, je parle d'une personne qui fait des travaux difficiles et qui fait ce travail tout le temps. Elle n'a pas d'autre jour pour le rattraper. C'est ça sa vie. Du matin au soir, il est mineur tout le temps. D'accord ? Il va rester comme ça son travail. Il travaille toujours comme ça. Celui-là, il ne peut pas rattraper. وفي الحديث صحيح كنا في رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال كنا في رمضان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر. Ceux qui voulaient manger mangeaient, ceux qui voulaient faire le siyam faisaient le jeûne. C'était comme ça auparavant. Auparavant, on choisissait. حتى أنزلت. Ensuite, الله عز وجل a fait descendre un verset. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Ensuite, l'Azawajal a fait descendre un verset où il est dit, quiconque de vous voit, c'est que c'est le Ramadan, on est au mois de Ramadan, il est obligé de faire le siyam. L'Azawajal voulait aller, yani, avec les gens doucement, doucement. Quand il a fait descendre le Ramadan, il te fait choisir. Tu veux, si tu veux pas faire le jeûne, tu fais manger quelqu'un. Ensuite, quand les gens ont commencé à, yani, s'habituer un peu, à jeûner de temps en temps, quelques jours. Ensuite, la Azza wa Jal a fait descendre le verset qui dit, vous êtes obligés maintenant tous de faire le jeûne. Et cette permission de ne pas le faire et de faire manger quelqu'un, c'est seulement pour quelques-uns. Ce sont ceux dont je viens de citer. Ensuite, il a dit, Ul kabir al-ajiz an al-ada wal-qada yukaffiru an kulli yawmin bi-it'ami miskin. Celui qui est vieux, et la vieille aussi, donc le vieux et la vieille, ceux qui ne peuvent pas le faire, et s'ils vont le faire, c'est très difficile pour eux, et ils ne peuvent pas aussi rattraper. C'est aussi difficile pour eux, cela, pour chaque jour, après l'avoir mangé, ils font manger quelqu'un. Le hadith sahih, je viens de le citer, c'est un hadith sahih. Il dit, فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. العز وجل كنت إلى دي فمن شهد منكم الشهر فليصم وإلى دي أوسي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Ça, ça veut dire Allah عز وجل a laissé ou l'a obligé le jeûne pour celui qui peut, celui qui n'est pas en voyage, qui peut, qui n'est pas en voyage, et il a permis aux malades et aux voyages et aux voyageurs de manger, et il a fait une particularité pour celui qui ne peut pas, qui est très âgé par exemple, de manger et de ne pas le rattraper, mais de faire manger pour chaque jour où il a mangé. Ensuite, il y a un hadith sahih, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, qala Abdullah ibn Abbas, yani un hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, c'est un hadith dans le Bukhari, qala ليست بمنسوخة. Ce verset n'est pas abrogé, n'a pas été abrogé. هو الشيخ الكبير, c'est pour le vieux, والمرأة الكبيرة, et pour la vieille, لا يستطيعون أن يصوما, ils ne peuvent pas faire le siyam, فيطعماني ما كان كل يوم مسكينا. Donc, à chaque jour qu'ils vont manger, ils font manger quelqu'un. وأيضا, أيضا, dans un autre ou bien je vais vous dire ce qu'a dit Ibn Taymiyyah rahmatullah, su'ila an rajulin kullama arada an yasum ughmiya alayh. Ibn Taymiyyah rahmatullah, on lui a posé une question, il y a une personne qui à chaque fois elle essaye de faire le jeûne, elle s'évanouit à chaque fois qu'elle essaye, elle est tellement elle est faible. Il a répondu alhamdulillah in kana as-sawm yujibu lahu mithla hadha al-marad, si le fait que il jeûne, il se trouve dans un état pareil, un état critique comme celui-là, il doit manger et il rattrape un autre jour. Il mange et il rattrape un autre jour. فإن كان هذا يصيبه في أي وقت صام, mais si à chaque fois qu'il fait le jeûne, c'est toujours la même chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va rattraper, c'est toujours la même chose. Il est très malade et il s'évanouit. Il a dit dans ce cas, وكان عاجزا عن صيام, donc il ne peut pas, فيطعم عن كل يوم مسكينا, donc il fait manger pour chaque jour quelqu'un. Donc la règle elle est très simple. Quiconque mange un jour ou plus d'un jour, la règle c'est qu'il doit le rattraper. Maintenant, s'il est malade, c'est le genre qui ne peut pas rattraper. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait manger un mendiant pour chaque jour qu'il a mangé. S'il a mangé 10 jours, il fait manger 10. S'il a mangé un mois, il fait manger un mois. Donc quelqu'un, par exemple, s'il est malade, il peut pas faire le jeûne. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange, ensuite la première des choses, il essaye après, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, avant le prochain ramadan, il essaye de rattraper. Maintenant, si c'est qu'il ne peut pas, peut-être il y a des mois où il ne peut pas et des mois où il peut. Il attend les mois où il peut, les mois où sa santé va s'améliorer. Mais s'il a une maladie chronique, il sait que cette maladie ne s'améliore jamais, comme le cancer, comme le diabète, etc. Donc celui-là, il n'a qu'une solution, il compte combien de jours il a mangé et il va faire manger des mendiants. Ce n'est pas la peine de les faire manger en un jour. Par exemple, tu as mangé 15 jours, donc tu as 15 mendiants à faire manger. Donc tu as 15 sur ton coup. Maintenant, tu les fais manger en un jour, tu les joins les 15. Ou bien tu fais manger aujourd'hui un, dans une semaine un autre, dans un mois un autre, demain 2, après demain 3, tu es libre. L'essentiel, 15 personnes doivent manger avant que tu ne meures. Avant que tu ne meures parce que tu as 15 jours sur ton cou. 15 jours que tu as mangé. Donc tu dois faire manger. Comment on les fait manger? Il y a plusieurs façons. Anas radiallahu ta'ala anhu, une fois il a mangé, je crois, 30 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle une jifnahadi, une grande jifnahadi. Il l'a rempli de farid. À leur époque, c'était le smo. Farid, c'est quelque chose qui ressemble à du pain comme ça. Le pain quand on mélange avec un bouillon, etc. Et il a invité le nombre de personnes qu'il a mangé. Il a mangé, je crois, 30 jours, il a invité 30 personnes. Et ils ont mangé jusqu'à leur faim. Donc tu peux inviter, tu peux prendre toi le manger, aller chez eux. Tu peux aller dans un restaurant. Dans un restaurant, si le propriétaire du restaurant, par exemple, c'est une personne serra, c'est une personne de confiance, tu lui dis, par exemple, combien mange quelqu'un ici chez vous? Ou dit par exemple en moyenne il mange par exemple 10 euros. Je donne un exemple. 10 euros. Moi j'ai un jour 5, donc 5 par 10, 50. Puisque vous êtes tellement confiants, quand ils voient que ce sont des pauvres, ils leur disent khalas, vous en appelez. Quelqu'un a confiance. Le mohim, c'est quoi? C'est de ne pas mourir avant d'avoir fait manger les gens. Je voudrais dire aussi que ce n'est pas permis de donner de l'argent. Parce que certains gens, ils croient que, ils disent par exemple, j'ai 2 jours, bon, alors je vais donner 2 jours, et allez, je vais donner de l'argent à ceux-là. Tu ne donnes pas de l'argent, ça, ce n'est pas l'aumône, ce n'est pas une sadaqa. Ça, c'est l'itam, ça s'appelle fidya. Tu dois le faire manger et non pas lui donner de l'argent. Pour qu'il achète les cigarettes, il va partir au cinéma. Celui-là, tu dois lui faire manger. S'il a faim, mange. S'il ne veut pas, tu vas chercher un autre. Ensuite, il a dit, « Wal-hubla » et celle qui est enceinte, « Wal-hubla » « Wal-mordi'a » et celle qui allait, « Idalim yutiqassom » si elles ne peuvent pas aussi, elles ne peuvent pas jeûner. « Aw khafata ala anfusihima » ou bien elles ont peur, yani elles ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Elles sentent des malaises, elles sentent des vomissements, elles sentent des maux à la tête, elles sentent des choses. Aw ala awladihima, ou bien elles n'ont pas peur d'elles-mêmes, mais elles ont peur de leurs bébés qui sont dans le ventre. Qu'est-ce qu'elle fait? Aftarata wa alayhima fidya. Elle mange et elle ne rattrape pas. Elle ne rattrape pas. Wa la qada alayhima. Elles font, comme je viens de dire, pour chaque jour qu'elle a mangé, elle fait manger quelqu'un. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qala Abdullah ibn Abbas a dit radiyallahu ta'ala anhu, idha khafat al-hamal, إذا خافت الحامل على نفسها, si celle qui est enceinte a peur d'elle-même, a peur يعني qu'il lui arrive quelque chose, ou le mordeur, et celle qui allait على ولدها, et celle qui allait, elle a peur pour son fils, في رمضان ou رمضان يفطران, يفطران يعني elle mange, ويطعمان ما كان كل يوم مسكينا, et elle faut manger pour chaque jour. Pour avoir mangé chaque jour, elle faut manger quelqu'un. Ou elle a yakdiyani sawman. Et elle ne rattrape pas le jour. Et elle ne rattrape pas le jour. Qala al-Albani, isnadu sahih, ala shirti muslim. Isnadu sahih. Qala shikh al-Albani fil irwa. Qala shikh al-Albani fil irwa. An Abdillah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, toujours. Annahu ra'a umma waladin lahu hamilan. Il a vu, Abdullah ibn Abbas, il a vu une de. Ça ne s'appelle pas une épouse, c'est quelqu'un, parce que je vous ai dit une fois en islam, il y a deux sortes de comment avoir une femme, ou bien l'épouser, ou bien yani l'acte de mariage, ou bien faire un autre acte, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, un autre acte, c'est pour les femmes qu'on fait venir des guerres, etc. Parce que celle-là, ça devient comme un esclave, ça se vend, on l'achète, on la vend, etc. Celle-là, l'homme, il fait avec elle un autre acte, ça s'appelle pas un acte de mariage, ça s'appelle Moukliyamin. Et avec celle-là, lorsqu'il a un enfant, il ne l'appelle pas mon épouse, cette femme. On l'appelle Umwal, la mère de son fils. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait une qui s'appelait Maria. Tout le monde la connaît. Maria, ce n'est pas une épouse. Parce qu'il a fait avec elle le deuxième acte. C'est pour ça on la cite jamais dans ses épouses. Mais on la cite comme Umm Walid, la mère de Ibrahim alayhi salam. Donc Abdullah ibn Abbas a vu une de ce genre de femme, elle était enceinte. Ou murdi'an, il a dit ou bien elle a allaité. Faqad, il lui a dit anti bi manzilati alladhi la yutiq. Toi tu es de ceux et celles qui ne peuvent pas faire le Ramadan, le jeûne. Fa'aliki an tut'imi ma kana kulli yawmin miskinan. Donc mange et fais manger يعني pour chaque jour un mendiant, voilà qada alik, et ce n'est pas la peine de rattraper après, ce n'est pas la peine de rattraper après. Wazada, et dans une autre version il a dit anna hada idha khafat ala nafsiha, ça c'est toujours dans le cas où elle a peur parce que il n'est pas permis à une femme qui est enceinte ou là qui allait de manger comme ça directement, elle ne mange que dans l'un des deux cas, elle a peur pour elle-même, elle a essayé, elle ne peut pas. Elle a des vomissements, elle veut s'évanouir, etc. Ou bien, elle a peur pour son bébé. Si elle n'a peur ni pour elle, ni pour son bébé, elle est obligée de quoi ? De faire le siyam. Si elle ne le fait pas, elle a un péché. Et un grand péché, bien sûr. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, lui, il sait, est-ce que cette personne peut ou ne peut pas ? Si elle peut, c'est pas la peine yani, qu'elle dise je peux pas, là, parce que Allah Azzawajal sait dans son cœur qu'elle pouvait, elle l'a pas fait. Et si elle peut pas, Allah Azzawajal ne demande jamais à quelqu'un qui peut pas qu'il puisse. Non, tu peux pas, mange et tu fais manger quelqu'un lorsque le Ramadan se termine. Naam. Wa aydan an Sheikh al-Albani rahmatullah, il a noté un hadith an Nafi' an Ibn Omar ibn Khattab, vous connaissez tous le fils de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, yani qu'il a dit la même chose en ce qui concerne la femme qui est enceinte, en ce qui concerne la femme qui allait. Wa qad rawah Daraqutni, et le hadith il est dans le Daraqutni, isnaduhu jayyid, il est très bon le hadith, an Ibn Omar, que Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, sa femme lui a demandé, sa femme lui a demandé, quand elle était enceinte, qu'est-ce que je fais? Faqala aftiri, alors mange, wa at'imi an kulli yawmin miskinan. Mange et tu fais manger un mendiant pour chaque jour, wa la taqdi. Et c'est pas la peine de le rattraper après. Et ça, bien sûr, parce qu'elle était enceinte et en même temps, elle avait peur d'elle-même ou bien pour le bébé. ومن طريق ثاني يعني في يعني في dans un autre hadith, كانت بنت. Maintenant, ce n'est plus sa femme, ce n'est plus la femme d'Abdullah ibn Omar, mais c'est une de ses filles. Une de ses filles, كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش. Qui était marié avec un quelqu'un de Quraysh. وكانت حاملة, elle était enceinte. فأصابها عطش في رمضان. Ensuite, elle a eu une grande soif pendant le Ramadan. فأمرها ابن عمر أن تفطر. Abdullah ibn Omar, qui était son père, lui a ordonné ou conseillé qu'elle mange et qu'elle fasse après manger un mendiant pour chaque jour. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte et elle a eu beaucoup beaucoup soif. Donc lui a dit mange et après inshallah ta'ala tu fais manger quelqu'un. Et dans le hadith sahih Abdullah qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah wada'a 'an al-musafir shatr as-salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah azza wa jal a enlevé pour celui qui est en voyage la moitié de la salat. Alhamdulillah, au lieu que tu fasses 4, tu fais 2, sauf le Maghreb. Il a dit donc, Alhamdulillah, c'est une rahma. Donc le prophète alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal a enlevé, en ce qui concerne le voyageur, il lui a enlevé la moitié de la salat. Et il a enlevé le siyam an al-musafir. Et ensuite, celui qui est en voyage, il a enlevé de lui Allah azza wa jal, يعني le siyam, il n'est pas obligé de faire le jeûne. وعن المرضع والحبلة et aussi pour celle qui allait et pour celle qui est enceinte. Hadith خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه انظر المشكاة وهو حديث صحيح. Donc on a un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui a montré que celle qui allait et celle qui est enceinte, que si elle a peur elle peut manger et faire manger un pauvre. Ça veut dire que ce n'est pas un ijtihad, c'est pas les ulama qui ont dit. Ça c'est le prophète sallam qui a dit. C'est pas on dit c'est les ulama. Non, c'est le prophète sallam qui a dit qu'elle pouvait manger. كذلك يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه المسافر ويجب عليهم القضاء. La même chose pour quelqu'un qui est malade et qui sait que cette maladie c'est le genre du genre qui guérit. C'est du genre qui guérit. Celui-là aussi, s'il veut manger, il mange. Mais à condition que quoi? Il attend qu'il guérisse pour rattraper le jour. Celui-là, il ne fait pas manger. Pourquoi? Parce qu'il est atteint d'une maladie qui se guérit. Donc, puisque tu es maintenant malade, on est en plein Ramadan, tu es malade. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas jeûner, tu es malade. Donc, mange et après, tu rattrapes. Parce qu'après le Ramadan, inchallah, tu seras guéri. Mais pas comme le premier. Le premier, il a une maladie qui ne guérit pas. C'est pour ça qu'il ne peut pas rattraper, il va faire manger les mendiants. Mais quelqu'un qui peut, qui est malade, qui sait qu'il va guérir, et je sais que cette maladie, dans un mois ou deux, je vais guérir. Donc je mange aujourd'hui, et dans un mois, je vais rattraper. Ça, si je veux, je ne suis pas obligé. Si je veux. Mais si je veux aussi ne pas manger, je fais le carême, je le fais. S'il ne me rend pas beaucoup, yani plus malade. Et la même chose pour le moussafir. Celui qui est en voyage, il peut manger, il peut ne pas manger. Il est libre. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-Musafiru, non, c'est pas celui-là le hadith. On lui a demandé, yani, je vais en voyage, qu'est-ce que je fais? Il a dit, Inch'ita somme ou Inch'ita tuftar. Il a dit, comme tu veux. Tu veux manger, tu veux faire le jeûne. Celui qui est en voyage, il est libre, il fait comme il veut. Seulement, je voudrais donner quelques détails ici. Je vais résumer un peu pour ce qui en ce concerne le Moussafir, celui qui voyage. Celui qui voyage peut être en deux ou trois sortes. La première sorte, c'est celui qui voyage et il sent des maux, par exemple. Il sent que en voyage, il veut s'évanouir. Il sent des crampes, il sent des crises, il sent des choses. Celui-là, de préférence, il mange. Même d'ailleurs, s'il a beaucoup mal et il ne mange pas, il rentre dans le péché. Il rentre dans le haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un, comme ça en voyage, il a vu quelqu'un par terre et les gens autour de lui. Il a dit, c'est qui celui-là? On lui a dit, il s'est évanoui à cause d'Yani, c'est difficile pour lui le siyam. Il a dit, laissa min al-bir siyam fi sahab. Il a dit donc, quiconque il va en voyage et qui fait le jeûne, celui-là, il n'est pas des gens pieux. C'est pas de la piété de faire le jeûne en plein safar, en plein voyage. Les ulama ont dit, ça veut dire que c'est pas de la piété pour quelqu'un qui ne peut pas. Quelqu'un qui est dans le cas de cette personne qui est tombée, qui s'est évanouie. Donc les gens qui vont en voyage et ils ont des maux et ils veulent s'évanouir, etc. Et ils font aussi, ils continuent le carême, ils continuent le jeûne, ceux-là, ce ne sont pas des gens pieux. Dans un autre hadith, il a dit, Oulaïka al-Ousat. Ceux-là, ce sont ceux qui, yani, n'obéissent pas à Allah et à son prophète. Parce que le prophète, une fois en voyage, on lui a dit, les gens, yani, ont mal. Les gens ont mal, ils ont beaucoup soif, etc. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a dit, donnez-moi une cruche. Il l'a levé comme ça, tout le monde voyait, il l'a bu. Quand il l'a bu, pour que les gens boivent. Donc beaucoup ont bu, mais un petit groupe n'a pas bu. Alors quand on lui a dit, il y a un groupe qui n'a pas bu, il a dit Oulaïk al-Ousat, trois fois, Oulaïk al-Ousat. Ce sont ceux qui n'obéissent pas, Ousat, Afi. Ce sont ceux qui n'obéissent pas, Ousat. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il voulait dire, est-ce qu'ils sont mieux que moi? Est-ce qu'ils sont plus pieux que moi? Ils ont de la piété plus que moi qui suis prophète. Moi j'ai bu, eux ils boivent pas. Ils sont mieux que moi, indallah. C'est impossible. Donc, c'est ça qu'il a dit, Oulaïk al-Ousat. Donc, conclusion, la première sorte, c'est celui qui va en voyage et qui trouve des difficultés. Celui-là, non seulement il est recommandé, mais il est obligé de manger, car il risque de mourir, année, et il s'est suicidé. Il s'est suicidé, celui-là. Il a mal, il ne peut pas, et il veut faire le... Et ça se trouve beaucoup. Cette sorte, ça se trouve beaucoup dans, par exemple, nos vieux ou là, nos grands-pères et nos pères, etc. Tu peux pas le convaincre qu'il peut manger et qu'il doit manger. Ils te disent, c'est impossible. Wallah, je préfère mourir. Je préfère mourir. Moi, je mange. Moi, je mange Ramadan. A'oudou billah. A'oudou billah. Je suis un shaitan, moi. Je suis un shaitan, je mange. Ça fait 60 ans, je n'ai jamais mangé de ma vie. Ah, celui-là, il peut pas être convaincu. C'est très difficile. Mais alhamdoulilah, nous les jeunes, on a appris, nous a fait apprendre, on apprend aux jeunes. C'est pas lorsqu'il devient là 70 ans, il va pas accepter ça. On apprend aux jeunes que, voilà, non seulement il doit manger quand il est dans un cas pareil, mais c'est tout, non seulement il peut manger, mais il doit, c'est obligé, car il risque de mourir, et s'il meurt, c'est un suicide. Ça c'est le premier cas. Quelqu'un qui peut pas, il est obligé de manger. Maintenant on parle du deuxième cas, quelqu'un qui, yani, pour lui, c'est la même chose. Yani, il peut manger, il peut ne pas manger. Il n'a aucun problème. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui? C'est qu'il mange ou qu'il fasse le siyam? Je parle donc du deuxième cas, c'est qui? C'est quelqu'un qui, pour lui, il peut faire le siyam quand il est en voyage. Il peut le faire. Est-ce que, et il n'a ni mal ni rien, de préférence, est-ce qu'il le fait ou est-ce qu'il le fait pas? Certains ulémas ont dit de préférence il ne le fait pas, comme Ibn Hazm alayhi rahmatullah. Ibn Hazm a dit, quiconque est en voyage, s'il fait le jeûne, il n'est pas accepté de lui, il doit manger et rattraper. Ça c'est Ibn Hazm, il a dit il n'est pas accepté. Quiconque est en voyage, Allah Azza wa Jalla a dit, unkutum ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah Azza wa Jalla a dit, si vous êtes en voyage d'autres jours, il n'a pas dit faites le jeûne, faites d'autres jours. Donc Ibn Hazm a dit on doit manger quand on est en voyage, soit on a mal ou on n'a pas. Mais le plus juste, c'est pas celui-là, inshallah ta'ala. Le plus juste, c'est que quelqu'un, quand il est en voyage, s'il fait le jeûne, c'est mieux. C'est mieux pour quatre raisons. Quelle est la première raison? C'est mieux qu'il fasse. Pourquoi? Quelle est la première raison? La première raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyageait, la plupart du temps, il était. Et il faisait le jeûne. Mais quand il buvait ou là, c'était pour montrer aux gens qu'il ne pouvait pas, qu'il pouvait boire, il pouvait manger. C'est ça qu'il buvait de temps en temps. Pour montrer aux gens, c'est tout. Mais lui, la plupart du temps, il était quoi? Il faisait le jeûne. D'ailleurs, dans le hadith sahih, un Abi Darda radiallahu ta'ala anhu, قال, kunna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam, on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi yawmin shadid al-har. En un jour, yani, très très chaud. حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. Donc on était dans un jour très chaud, on a voyagé, il faisait tellement chaud que qu'est-ce qu'on faisait? On mettait nos mains sur nos têtes, subhanallah. On n'avait ni chapeau, ni casquette, ni rien. ils mettaient leurs mains sur sa tête pour que le soleil ne leur fasse pas mal à la tête. Il a dit wa ma fina sa'im. Il parle du Ramadan, bien sûr. Il a dit wa ma fina sa'im. Il y a personne qui avait fait le siyam. Illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Abdullah ibn Rawaha. Il n'y avait que deux personnes. Qui c'est? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha. Les deux adults, ils faisaient quoi? Ils faisaient le jeûne. Tous les autres avaient mangé. Donc, nous, on suit les autres ou là on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous, si on ne peut pas, on fait comme les autres. Tous les autres ont mangé. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc, si on ne peut pas, on fait comme les autres. Mais si on peut, on fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait jeûné lui et Abdullah ibn Rawaha, radiallahu ta'ala anhu. C'est un hadith dans Muslim. Deuxièmement, quelle est la preuve que quand tu fais le jeûne, c'est mieux? On parle toujours du cas où on n'a pas mal. Hein? On parle du cas où on n'a pas mal et on peut jeûner. Quel est le deuxième délit? Deuxièmement, annahu asra' fi ibra'il dhimma. Deuxièmement, quand tu as jeûné, alhamdulillah, yani tu as payé ta dette. Tu l'as payé très vite. Tandis que l'autre, il n'a pas encore payé, il va la payer dans un mois, dans deux mois, je ne sais pas quand. Toi, alhamdoulilah, dès que le soleil s'est couché, la dette d'aujourd'hui, je l'ai payée. Donc, et quelqu'un qui paye ses dettes le plus vite, c'est le meilleur, vous savez. Celui qui paye ses dettes les plus vite, c'est le meilleur. Donc celui-là, alhamdoulilah, il a payé son siyam, il a payé sa dette. Thalithan, troisièmement, أنه أيسر على المكلف وما كان أيسر فهو أولى. Troisièmement, c'est plus facile pour qui? Pour le musulman. Et la chose qui est plus facile, c'est toujours la meilleure. Pourquoi c'est facile? Vous savez pourquoi c'est facile? Parce qu'il y a des gens avec vous. Tu n'es pas le seul. Tout le monde autour de toi est à jeûner. Donc tu le fais avec les gens, c'est mieux que tu vas le rattraper après seul. C'est un peu difficile. Mais maintenant que tout le monde, la plupart des gens ont jeûné, tu fais le jeûne avec eux, c'est beaucoup plus facile. Et quatrièmement, la quatrième preuve, c'est que en le faisant aujourd'hui, tu l'as fait en plein mois de Ramadan. Et celui qui fait en plein mois de Ramadan, c'est sûr que c'est mieux que celui qui le fait après. Celui qui le fait en 100 jours, il l'a fait en ce mois qui est azim indallah subhanahu wa ta'ala, en ce mois où les hasanat doublent, les triplent, les quadruplent. Donc, c'est mieux que de le faire en Ramadan que de le faire autrefois. Et il y a même une autre preuve, une cinquième preuve, c'est que quand tu l'as fait aujourd'hui, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Peut-être tu vas dire dans ton intention je vais le rattraper après, et peut-être tu vas mourir, tu ne vas pas le rattraper. Bien sûr, ce n'est pas interdit. Si tu meurs, ce n'est pas interdit, ta famille vont faire manger quelqu'un à ta place, mais celui qui le fait, il meurt après l'avoir fait, c'est mieux que celui qui meurt et il laisse des dettes. Et la famille, on ne sait jamais s'ils vont faire manger quelqu'un ou bien ils vont m'oublier, je ne sais pas. Je vais être dans ma tombe, peut-être on va m'oublier. Ma famille va être contente de ce que je vais leur laisser. Si je vais laisser des biens, je vais laisser des voitures et des villas, là, ils vont vite m'oublier. Deux ou trois jours, ils vont m'oublier. Donc, je ne sais pas, il vaut mieux que je le fasse. Donc, c'est ça la conclusion. C'est ça la conclusion, que quelqu'un qui peut le faire, qui n'a pas de maux, il n'a pas de machakil, il n'a pas de complications, de préférable, il le fait quand il est en voyage, de préférable. Mais celui qui ne peut pas le faire, celui qui a des maux, etc., ou bien il lui est conseillé de manger, ou bien il est obligé de manger, mais il ne doit jamais le faire. Il ne doit jamais le faire, celui qui est malade ou là il a des complications. Ou bien on lui conseille, on lui dit mange, c'est mieux pour toi, ou bien on l'oblige, on lui dit tu dois manger parce que tu es malade, et tu rattrapes inch'Allah ta'ala un autre jour. Je voudrais là ne pas oublier de dire une chose, c'est que certains, on entend de temps en temps certains qui disent que par exemple maintenant le monde a évolué, etc., on ne peut pas par exemple manger pendant le Ramadan. Non, il y a certains ignorants qui disent de nos jours, ils disent cela, ils disent, ce sont surtout les vieux, etc., qui n'ont pas d'ilm, qui n'ont pas de science. Ils disent par exemple, maintenant, ça a changé. Ce n'est plus comme auparavant. Auparavant, ils pouvaient manger et rattraper après parce que c'est difficile, le soleil, etc. Maintenant, c'est facile. Quand tu fais un voyage, il y a la voiture, elle est climatisée. Il y a l'avion, une demi-heure, tu es chez toi, etc. Donc, tu ne peux pas manger. Donc tu peux pas manger, tu dois faire le carême, le ramadan. À cela, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit une chose, il faut bien la mettre dans la tête, il l'a laissé toujours entre les yeux. Il a dit quiconque, dans ses Mujmu' al-Fatawa, il a dit quiconque dit que de nos jours, en ces jours-là, en 600 et quelques, nous sommes maintenant en 2006, il a dit ça en 600 et quelques. Il a dit quiconque dit de nos jours qu'on ne peut plus manger, cela ce n'est plus permis, parce que les temps ont changé, parce qu'il y a de l'eau froide, il y a tout. Il n'a pas parlé de climatiseur ni d'avion. Il a dit il y a de l'eau froide, etc. Donc on ne peut pas manger. Il a dit quiconque dit cela, yustateb, on lui dit fais-le repentir. Tu as fait quelque chose de grave, fais-le repentir et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner d'avoir dit cela. S'il ne le fait pas, on est obligé de le tuer. Celui-là, il doit mourir. C'est le gouverneur qui le tue, bien sûr. On dépose plainte, on dit, il y a quelqu'un qui dit, c'est interdit de faire le de manger maintenant, on doit jeûner obligatoirement parce qu'on est en voyage. Celui-là, le gouverneur va le faire venir, il lui a dit, tu as fait le repentir ou tu l'as pas fait. S'il dit, là, je me repens, je vais plus dire cela, alhamdoulilah. Il lui dit, va à la maison, il ne redit plus cela. S'il dit non, il doit, il peut pas, c'est interdit. Il doit faire le jeûne. Celui-là, le gouverneur, alors demandera aux autres de le tuer. Pourquoi? Parce que celui-là, il s'est mis, sans le vouloir, il s'est mis comme musharri'a. C'est maintenant lui qui fait les lois. Il veut changer la loi divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, qui savait que le monde allait changer, et savait qu'on allait arriver à l'an 2000, et l'an 6000, et l'an 10000, il s'est lâché de cela, et quand même il a fait descendre le Coran, et il l'a laissé comme ça. Il l'a laissé pour tous les voyageurs. Ensuite, viendra quelqu'un, il va dire non. Celui-là, c'est seulement pour les voyageurs qui n'ont pas d'eau froide, et n'ont pas de climatisation, et n'ont pas d'avion. Les autres voyageurs, ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait sans vouloir? C'est comme s'il voulait dire, voilà, un législateur, c'est le mot que je cherchais. Il s'est mis comme législateur. C'est comme s'il a voulu dire, ça y est, ce verset ne compte plus. J'ai un autre verset. Là, cette chose-là n'est plus valable. Et maintenant, vous devez me suivre, moi. J'ai quelque chose de nouveau pour vous. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Ensuite, autre chose. Non. Maintenant, il y a quelqu'un qui sait que demain il va voyager, par exemple. On est en plein ramadan. Demain, par exemple, il sait qu'il va voyager. Qu'est-ce qu'il peut faire ? يقول هنا إذا نوى المرء الصيام أو شرع فيه ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر. Si quelqu'un il a dit par exemple demain je fais le ramadan par exemple, ensuite il a commencé son voyage, celui-là il peut manger, celui-là, mais plus que cela il peut manger avant de sortir de la maison, il peut manger avant de sortir de la maison. À condition quoi? À condition que la nuit, il s'est dit demain je vais aller en voyage, la nuit il faut qu'il mette dans sa tête, dans l'intention, qu'il va jeûner. Naam, il faut que l'intention du jeûne existe dans son cœur. Et le lendemain quand il se lève, avant de sortir de la maison, avant d'aller à l'aéroport, il peut déjà commencer à manger. On va donner le délit, inshallah ta'ala. فعن محمد بن كعب انه قال اتيت انس بن مالك في رمضان. محمد بن كعب très connu, il a dit j'ai été voir Anas. Anas c'est très connu, Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a travaillé pendant 10 ans. Il a dit j'ai été le voir en plein ramadan et il voulait voyager. Anas radiallahu ta'ala voulait voyager. On lui avait déjà préparé sa monture. On avait préparé sa monture. Il avait mis les vêtements de voyage. Ensuite il a dit donnez-moi à manger. Il a mangé. Il est dans sa maison, il n'est pas encore sorti. Il a mangé. Sunna, je lui ai dit. Sunna, c'est une sunna. Il a dit sunna. Thumma rakib. Naam, hadith sahih, sunan tirmidhi. Donc vous êtes sûr, qu'Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, c'est celui qui était l'un des plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il avait 10, il avait je crois 8 ou 7 ans, sa mère l'a emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umm Sulaym. Elle lui a dit, ya Rasulallah, hada al-ghulam hada, laisse-le chez toi, il te travaille, il t'aide, etc. Naam, il est resté avec lui pendant 10 ans en train de le travailler. Donc celui-là, quand il va faire quelque chose comme celle-là, il va manger avant de sortir. Et en plus de ça, il va dire c'est une sunna, il ne l'a pas tiré de sa tête. Il ne l'a pas tiré de sa tête une chose pareille. Donc ça veut dire qu'il a entendu ou il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de sortir qu'il mangeait. Wa an Ubayd ibn Jubayr, un autre radiallahu ta'ala nous قال ركبت مع أبي بصرى الغفار في سفينة من الفسطاط في رمضان. Il a dit je suis monté avec Abi Busra al-Ghifari dans une barque. En plein Ramadan, on est monté dans une barque. Ensuite, qarraba ghada'a, yani il a approché son manger. Thumma qala iqtarib, il m'a dit yani rapproche-toi. Fa qultu alasna fi alasta fi al-buyut. Lui dit subhanallah, on n'est pas sorti de la ville, on est devant la maison. Le voyageur, quand est-ce qu'il commence par exemple à faire la prière? Quand est-ce qu'il commence à raccourcir la prière? Quand il sort de la ville. Autrefois, les villes avaient des murs. Des murs, quand tu vois le grand mur, au sort, tu dis voilà le début de la ville. Quand tu quittes le sort de le mur, tu es sorti de la ville. Il y avait d'autres villes qui avaient des boustens, de grands arbres. Quand on quittait les arbres, on disait on est sorti de la ville. C'est là qu'on commence à raccourcir la prière. La prière, on ne la raccourcit quand on est en voyage que quand on sort de sa ville. Il faut sortir de la ville. Maintenant, il y a des plaques. Maintenant, c'est écrit la plaque. Alger, Blida, Oran. C'est écrit la plaque. Quand tu sors de la plaque, ça veut dire que tu es sorti de la ville. Quand tu laisses la plaque, si tu t'arrêtes 10 mètres plus loin, tu vas la faire, la prière raccourcie. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la ville. Donc celui-là, il lui a dit, subhanallah, on n'est pas sorti de la ville. Comment on peut manger? Faqal, araghibta an sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam? Lui a dit, subhanallah, tu veux pas prendre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Yani que sa sunna, c'est que pendant le ramadan, tu peux manger même à la maison. Donc il y a une grande différence entre quoi? Entre la salat et le manger du ramadan. La salat, pour le voyageur, il est interdit de la raccourcir si tu ne sors pas de ta ville. Comme il est interdit de la raccourcir si tu rentres dans ta ville, quand tu reviens. Quand tu reviens, tu raccourcis. Il reste 100 mètres de la ville, tu raccourcis. Maintenant, tu es rentré à la ville, alors tu ne peux plus raccourcir, tu es chez toi. Donc, ça c'est pour la salat. Mais pour le manger du ramadan, c'est pas la même chose. Le manger, tu peux, avant de sortir de la maison, tu peux quoi? Tu peux manger. Mais à condition que la nuit, tu avais fait l'intention dans ton cœur que tu avais jeûné. D'ailleurs, tu as jeûné une heure ou la deux heures. Ensuite, tu as mangé et tu as pris la voiture. Tu es monté sur la voiture, dans la voiture. Donc celui-là, c'est un hadith sahih qui il lui a dit, tu ne veux pas prendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une sunna que, bien sûr, beaucoup de gens ne savent pas. Et il a cité aussi beaucoup de sahaba, radiyallahu ta'ala anhu, yani qui ont mangé. Beaucoup, ils sont là. Abdullah ibn Abbas, Nafa, etc. Maintenant, je veux passer à autre chose. La yajuzu lil ha'id aw nufasa an tasuma wa yajib alayhim al-qada. Naam, il est interdit pour celle qui a les menstrues ou bien celle qui a les louchis de quoi? De jeûner, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines femmes ou là qui ont honte. Elle a honte, et elle est devant son père ou l'anchal. Elle est indisposée et elle fait le jeûne. Celle-là, bien sûr, c'est interdit. Pourquoi? Tu as honte devant ton père. Alhamdoulilah, personne t'a dit va manger devant ton père. Et quand tu es seul dans ta chambre, tu peux manger. Tu peux boire une goutte d'eau. Il y en a une goutte d'eau, c'est difficile. Un demi-verre, une cuillère d'eau dans la bouche quand tu as mangé. Celui-là, c'est pas difficile. Donc il y a certaines qui restent comme ça toute la journée. Toute la journée, elle mange pas alors qu'elle est indisposée. Celle-là, elle a fait quoi? Elle a fait un péché. Elle a fait un péché. Pourquoi? Parce que l'adoration, cette adoration n'est acceptée qu'avec une condition, c'est de ne pas être indisposé et ne pas avoir de logis. Celle-là les a, et elle a fait l'adoration, donc elle a fait un péché. Elle a fait un péché. Ensuite, maintenant je vais rentrer dans d'autres choses, et d'autres choses très importantes. C'est pour ça que je crois que je ne vais pas rentrer parce qu'il reste seulement 5 ou 10 minutes et il y a des choses très importantes. Bon, mais disons que pour terminer, au lieu de laisser passer les 10 minutes, je vais vous dire une règle. Parce que le prochain dars, inshallah ta'ala, c'est les choses qui font manger. Quelles sont les choses qui, si on les fait, on a annulé le ramadan et des choses, quelles sont les choses qu'on peut faire et ça n'annule pas. Je vous donne une règle et je la répéterai inshallah la prochaine fois. La règle, c'est que, apprenez cette règle, barakallahu fikoum, elle est très importante parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Est-ce que j'ai annulé, est-ce que j'ai pas annulé? Quand tu connais la règle, là, tu sais si ton jeûne est vrai ou il n'est pas vrai. Il y a des gens, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un est en train de faire des ablutions, ensuite, sans vouloir, il a bu. Quelqu'un a oublié, il a bu un verre. Quelqu'un, est-ce que celui-là, qu'est-ce qu'il fait, etc. Celui-là, si tu connais la règle, Alhamdulillah, tu n'as plus de mashakil. La règle, c'est que personne, s'il fait, quiconque fait des choses qui sont interdites pendant le ramadan, interdites, par exemple, il mange, ou là il boit, ou là il fait un rapport avec sa femme, tout ça c'est interdit, hein? Mais la règle, quiconque fait une chose interdite pendant le ramadan, cette chose qui est interdite, elle n'annule son jour qu'avec trois conditions. S'il n'y a pas les trois conditions, même tu as fait cette chose qui est interdite, ton jeûne est vrai, il est sahih, il n'est pas annulé. Sauf avec trois choses. Ou bien, plus précisément, l'une des trois choses. Sauf avec l'une des trois choses. La première des choses, la Bouddha, il faut l'ilm. Il faut l'ilm. C'est quoi l'ilm? Il faut que tu saches que cette chose que tu viens de faire est une chose qui annule. Naam, c'est la première condition. Il faut que tu saches que cette chose que je viens de faire annule. Parce que quiconque ne savait pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le punir pour une chose qu'il ne savait pas. Celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Donc, ça ne lui annule que s'il sait. Donc, le djahl, l'ignorance, n'annule pas. Il faudrait avoir la science de cette chose. Je savais que cette chose annulée, je l'ai faite. Mais celui qui ne savait pas, ça n'annule pas. Mais bien sûr, ça n'empêche pas que Allah Azza wa Jal peut lui donner des péchés. Des péchés pour, non pas pour avoir mangé, mais pour ne pas avoir demandé la science. Puisque tu ne savais pas, pourquoi tu n'as pas demandé la science? Pourquoi tu passais ta journée à jouer aux cartes et aux dominos? Pourquoi tu ne cherchais pas à apprendre la science? Tu passais ta journée en face de la télévision du matin au soir, hein, comme l'adoration. Pourquoi tu ne demandais pas la science? Donc, Inch'Allah, le jour est accepté, mais le péché existe. À cause de quoi? À cause de, il n'a pas fait un devoir, il n'a pas fait une grande obligation, laquelle, une grande adoration, c'est celle de demander la science. Car comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Demander la science est une obligation pour chaque musulman. Ne croyez pas que quelqu'un qui demande la science, c'est parce que lui, il veut. C'est pas toi qui veux, c'est une obligation. Si tu demandes pas la science, yom al qiyamah, on va te poser la question. Pourquoi tu n'as pas demandé la science? Pourquoi tu n'as pas essayé d'apprendre? Pourquoi tu n'as pas voulu me connaître? Là, je te dirai. Pourquoi tu n'as pas essayé à me connaître? Moi, tu me connais. Quand tu connais bien le Coran, tu connais bien la Sunna. Tu vas me connaître qui je suis, quelles sont mes descriptions, etc. Plus tu es loin du Coran et de la Sunna, plus tu es loin de moi et de faire juste. Tu ne fais que des choses fausses. Parce que tu ne connais ni le Coran, tu ne connais ni la Sunna. Donc la première des choses, c'est quoi? Il faudrait avoir la science. Quiconque ne sait pas qu'une chose, que cette chose, par exemple, fait manger, son jour n'est pas annulé. Quelle est la preuve, par exemple? Je vais une preuve très, très simple. Hadith Asma, radiyallahu ta'ala, dans Muslim. La sœur de Aïcha radiallahu ta'ala qui s'appelle Asma, elle a dit que on avait mangé un jour parce qu'il faisait, il y avait des nuages. On avait mangé tout matin à Shams. Subhanallah, on croyait quoi? On croyait que c'était la nuit. mais en fait c'était le jour. Mais comme il y avait la les nuages, on ne voyait pas le soleil. Juste les nuages sont partis, on a vu que le soleil, masha'Allah, était assez haut. Donc on a mangé en plein jour. Elle a dit, bien sûr, les ulama ont dit, لو كان القضاء واجبا لأمرهم به صلى الله عليه وسلم. S'il devait rattraper un jour, le prophète Hassan leur aurait dit rattraper. Il n'a pas dit rattraper. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé, yani, croyant qu'il faisait nuit. Donc ils ignoraient. Donc voilà ce que je voulais dire. Quiconque ignore une chose, il croit qu'on est, par exemple, on est la nuit, il mange, ensuite il voit l'heure, la montre, il dit subhanallah, il est 7h du matin, je croyais qu'il était 3h de la nuit. Celui-là, c'est pas la peine de rattraper le jour. Pourquoi? Parce qu'il ignorait. Et par exemple, si je donne un exemple, par exemple, Al-Bukhur, vous connaissez Al-Bukhur? Al-Bukhur, là, en français, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a beaucoup ici, par exemple. Ça doit pas y avoir dans les pays occidentaux. Là. Par exemple, dans ce pays, il y a beaucoup. Le Bukhur, dès que tu rentres ici chez quelqu'un, la première des choses, il se donne Bukhur. Il se donne comme une petite coupe. Une petite coupe comme ça. À l'intérieur, il y a des choses parfumées. Il les a enflammées. Maintenant, il y a du Dukhan. Il y a de qui monte comme ça. Dukhan, c'est comment on dit Dukhan en français? L'encens, hada, l'encens. Ça, hada, nan. L'encens, ça, hada, la fumée. Il y a de la fumée qui monte, ça. Ici, les Kuwaitiens, dès que tu rentres, ils te donnent ça, la première des choses. La première des choses, dès que tu t'assois, ils te la donnent. Et toi, tu la prends, tu prends la coupe comme ça, et la fumée qui monte, et tu la mets comme ça, sous ta barbe. Bon, ensuite, tu la mets à droite, à ta droite, à ta gauche, sous le voile que les hommes ont sur la tête avant. Celle-là, cette fumée qui monte, elle est interdite en Ramadan. Elle fait manger. Quiconque va faire cette fumée sous son nez, elle va rentrer, il doit rattraper le jour. Et s'il le fait exprès, bien sûr, il a quoi? Il a des péchés. Bon, maintenant, supposons que quelqu'un ne savait pas, il a cru que c'est normal. Il a pris Hada, il s'est parfumé, c'est ensuite toute la fumée est rentrée par son nez, dans son ventre. Celui-là, ensuite on lui dira, tu ne savais pas? Il dit, oh là, je ne savais pas, je n'ai jamais lu que ceci faisait manger. On va lui dire que là, ce n'est pas la peine de rattraper. Pourquoi? Parce que la règle dit que pour que ton jour soit annulé, il faudrait que tu ignores la chose. C'est pas que tu la saches. La deuxième condition, il faudrait quoi? Il faudrait le souvenir. Car Allah Azza wa Jalla a dit, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Oh Allah Azza wa Jalla, ne nous fait rien si on oublie, si on se trompe ou si on oublie. Maintenant, moi je sais que l'encens, la fumée, le bukhur, je sais qu'il annule. Mais j'oublie. On oublie beaucoup, on a des problèmes, etc. J'oublie. Je prends l'encens, je sais qu'il annule. Et je le prends et je le mets sous mon nez, etc. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il ne rattrape pas le jour. Pourquoi? Parce qu'il a oublié. Et on a un hadith aussi, hadith Abi Huraira, qui est dans le Bukhari Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit carrément, il a dit, Man nasiya wa huwa sa'im, quiconque a oublié. Pendant qu'il faisait le jeûne, fa akala ou shariba, il a mangé ou bien il a bu, fa yutimma sawmah, qu'il continue à jeûner. C'est pas la peine qu'il dise j'ai mangé khlas, donc je vais continuer à manger, je vais rattraper. Non, dès que tu te souviens, tu t'arrêtes, tu jettes ce que tu as dans la bouche. Fa innahu at'amahu Allah wa asqah. Le prophète a dit alayhi salam, c'est Allah azza wa jalla qui t'a fait manger, c'est Allah azza wa jalla qui t'a fait boire. Naam. Quand Allah azza wa jalla sait que yani c'est un peu difficile pour toi, etc., il te fait oublier jusqu'à ce que tu boives quelque chose ou que tu manges quelque chose. Et là, ça nous arrive à tous, surtout qui? Surtout les premiers jours du Ramadan. Le premier jour, deuxième jour, tu oublies. Parce que ça fait une année que tu manges. Donc, premier jour, tu oublies, vers 10h, là, tu manges quelque chose, ensuite tu te dis, oh, j'ai oublié qu'on était au Ramadan. Mais des fois, on regrette même de s'être souvenu. Hein. Des fois, on regrette. On dit, si au moins je m'étais pas souvenu maintenant, j'aurais au moins mangé un peu plus. Hein. Il y a certains qui disent comme ça, non. Donc, si quelqu'un mange quelque chose ou là, il boit, il oublie, c'est pas la peine de rattraper. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à condition de quoi? À condition de jeter ce qu'il a dans la bouche. Immédiatement, il jette ce qu'il a dans la bouche et il continue, et c'est pas la peine de rattraper. Ensuite, il y a un hadith d'un compagnon radiallahu ta'ala anhu qui est venu à Abu Huraira, ou bien pas un compagnon, un fils des compagnons tabi'in, je crois, mais c'est un hadith sahih. Il a dit à Abu Huraira, il lui a dit j'ai jeûné, ensuite j'ai oublié, j'ai mangé. Abu Huraira lui a dit, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala, continue seulement. Allez, continue. Ensuite, l'homme est parti. Une heure ou la deux heures après, il est revenu. Salam alaikum, salam rahmatullah. Il lui a dit, j'ai oublié, j'ai mangé. Hein, j'avais jeûné, mais j'ai oublié. C'est la deuxième fois. Abu Huraira lui a dit, il n'y a pas, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème. Jette ce que tu as dans la bouche, continue, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il est parti. Ensuite, il est venu la troisième fois. Il lui a dit, j'ai oublié, j'ai mangé. Abu Huraira lui a dit, radiallahu ta'ala, non, ça se voit que tu n'es pas le genre, yani, qui avait l'habitude de jeûner. Non. Il lui a dit, khlas, yani, continue, c'est normal. Tu ne vas pas manger. Continue, même si ça t'arrive 10 fois, et 10 fois, tu jettes ce que tu as dans la bouche et tu continues. Donc ça arrive surtout à ceux qui n'ont pas, comme j'ai dit, l'habitude de jeûner. Et ceux qui ont l'habitude de jeûner chaque semaine, par exemple, ils jeûnent les jeudis, les lundis, etc., celui-là toujours, il se rappelle qu'il est pendant le jeûne. Donc, j'avais dit la première condition, c'est que tu saches que cette chose annule. La deuxième condition, c'est que tu te rappelles. Car je peux savoir qu'une chose annule, mais je l'oublie. Moi, je sais que, par exemple, manger cette chose annule, mais j'oublie et je mange. C'est ça un malheur. Donc, il faut savoir et il faut se souvenir, ne pas oublier. Et la troisième condition, qui est aussi importante, c'est quoi? Il faut qu'il ait et fait, qu'il ait fait cela, yani, sciemment. C'est lui qui a voulu faire. Il n'a pas fait sans le vouloir. Naam. Car des fois, tu sais que cette chose annule, premièrement. Yani, tu sais que cette chose annule, et tu sais, et tu te souviens, je me souviens que cette chose annule, et ensuite, sans le vouloir, je le fais. C'est pas en oubliant, sans le vouloir. Je donne un exemple. Par exemple, je suis en train de faire le wudu. Je suis en train de faire les ablutions. Quand j'arrive à la bouche, hein, je veux faire rentrer un peu d'eau comme ça dans la bouche, et voilà que beaucoup d'eau va rentrer dans mon ventre. Est-ce que c'est moi qui ai fait rentrer cela? C'est pas moi. Est-ce que mon jour est annulé? Il n'est pas annulé. C'est pas moi qui ai voulu faire rentrer ça. Il est rentré tout seul. On a dit, la troisième condition, il faut que ce soit toi qui aies voulu. Ça soit toi qui aies voulu faire la chose. Si la chose vient d'elle-même, c'est pas toi qui as voulu. Donc, tu es excusé. C'est comme quelqu'un, par exemple, il joue avec une chose. Supposons, par exemple, une bille. D'abord, je voudrais vous dire une chose. Vous savez que quand on mange une bille, ou là, on mange un caillou, ou là, quelque chose qui ne se mange pas. Une bille, ou là, un caillou, ou là, n'importe quoi. Vous savez que ça annule, hein. Ça annule aussi le ramadan. Parce que quelqu'un va dire, non, elle dit, ça se mange pas. Ça se mange ou ça se mange pas. Toutes les choses qui rentrent dans le ventre doivent annuler. Tu dois ne pas les faire rentrer. Donc, si quelqu'un est en train de jouer comme ça avec un bâton d'allumette ou là, un caillou là, dans sa bouche en train de jouer, ensuite le caillou est descendu. Celui-là, il n'est pas annulé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui l'a fait descendre. Je viens de dire la troisième condition, il faut que ce soit toi qui a fait la chose. Maintenant, c'est pas toi qui l'ai faite. C'est venu comme ça, sans que tu le veuilles, toi. Donc voilà, je répète les trois conditions. Premièrement, tu dois savoir que la chose annule. Deuxièmement, tu dois ne pas oublier, te souvenir que la chose annule. Troisièmement, tu dois la faire exprès. Ce n'est pas, yani, tu l'as fait sans attention. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ونلتقي إن شاء الله بعد 10 دقائق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم en ce qui concerne le courrier qui m'arrive. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Moi, je fais mon possible pour répondre à tout le monde. Ceux auxquels j'ai pas encore répondu, qui m'excusent. Hein, parce qu'ils doivent se mettre aussi dans la tête que tu reçois beaucoup de courriers. Ils doivent aussi savoir cela. C'est pour ça que quand on me dit répondez-moi par email, yani je réponds par email, mais c'est un peu plus difficile, mais ça ne fait rien, je le fais. Et quand on me laisse comme ça libre, je réponds quand même dans la salle, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Mais des fois, les choses sont très secrètes, c'est pour ça qu'on est obligé de répondre par email. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que les doros, yani le temps n'est pas très. Ils travaillent. Il y a des gens, il m'a dit, il y a un groupe là, des gens qui travaillent, ils ne peuvent pas assister à ces doros, ils voudraient les entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, qui pourrait, par exemple, l'après-midi, par exemple, ouvrir une salle et les rediffuser. Bon, premièrement, je ne sais pas qui c'est ce quelqu'un, et je ne peux pas obliger quelqu'un, je vais lui dire, ouvre la salle et va rediffuser les doros. S'il y a des gens de vous qui peuvent ça, peuvent faire ça l'après-midi pour les gens, barakallahu fihum wa ajrohum ala Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, je suis en train de penser à une chose, je crois qu'elle existe, je la connais pas, je suis en train de chercher à cela. Je crois que dans le blog, je crois qu'il y a une issue, de façon à ce qu'on peut, les doros enregistrés, on peut les mettre là-bas. Comme ça, quiconque veut entendre le dars, il va là-bas, il clique. Mais je ne sais pas encore comment, c'est tout. Inch'Allah ta'ala, après, je vais voir comment, peut-être ça peut se faire, Inch'Allah ta'ala. Pour l'ourde qui m'a demandé pour la crème épilatoire, elle parle de, est-ce qu'elle peut enlever entre les sourcils, entre les deux. La plupart des ulama que j'ai lu, ils disent qu'on peut pas entre les sourcils à dos. Qu'on peut pas, que ça fait partie des sourcils. Certains ont dit, on peut, mais j'ai lu que beaucoup disaient non, on ne doit pas toucher entre les sourcils à dos. Surtout que, ce n'est pas très grave. Certains ont dit elle peut, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala alam. Je vous donne, inshallah, je donne la question à Yasmina 911, souhaitant, inshallah ta'ala, que les questions en rapport avec le dars, inshallah ta'ala, ce que je viens de dire, siyam, masiyam, etc. Tafadali, ukhti Yasmina, tafadali. افتح ان شاء الله تعالى الخط ياسمينة نفسه si tu es ici écris nous numéro 1 pour qu'on sache d'abord que tu es ici ان شاء الله تعالى ensuite pose la question. J'ai une question de la part d'une soeur qui va divorcer. Non. Et qui n'était pas vierge à son mariage. Alhamdoulilah, elle a fait un repentir sincère. Alhamdoulilah. A-t-elle les mêmes droits qu'une femme qui a été vierge? Doit-on droit de garder le logement, la dot? La même chose. Elle a la même chose. Nam. J'ai dit une fois que n'importe quelle personne qui a fait tous les péchés du monde, pas seulement elle et la virginité, tous les péchés du monde. Ensuite, elle a fait le repentir, Allah Azza wa Jalla accepte. قل لعبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله donc quiconque يعني fait des grands péchés ensuite alhamdoulilah il meurt pas, c'est ça l'essentiel, il meurt pas, Allah subhanahu wa ta'ala accepte de lui. Donc elle a inshallah ta'ala les mêmes droits que l'autre, يعني ça n'a rien à voir cette chose dans les droits inshallah ta'ala, puisque elle est sincère et elle a fait le repentir. Fiki barakallah. Deuxième question, inshallah. Kasi Salaf, tafadal. Naam, j'ai oublié de dire à Yasmina, hein, c'est passé, alhamdoulilah. J'ai oublié de dire à Yasmina 911 qu'on devait commencer par les questions qui ont rapport au DAS. Mais maadish. Salam alaikum. Doit-on faire le jeûne? Parce que quand il a écrit cette question, je me suis rappelé maintenant. Doit-on faire le jeûne quand on est cardiaque et diabétique? Et qu'on doit prendre des médicaments la journée? Et aussi, je voudrais savoir quels sont les symptômes de possession par un djinn. Barakallahu fikum. A'udhu billah min djinnada. Je disais que, en ce qui concerne cette personne, yani, s'il va faire qu'il va faire le jeûne à Allah, c'est sûr que il va rentrer dans de grands problèmes. Parce que j'avais dit que quelqu'un qui est diabétique, c'était très difficile de lui pour faire le jeûne. Et que le diabétique, il peut quoi? Il peut après, yani, quand le Ramadan se termine, il peut faire manger au lieu de rattraper. Il peut faire manger au lieu de rattraper, surtout si son diabète est difficile. Il y a des diabètes qui sont faciles, il y a des diabètes, des maladies qui sont difficiles. S'il a le genre qui est difficile, c'est pas la peine de refaire, il fait seulement manger. Et le cardiaque, c'est la même chose. Lui, il sait comment qu'il fait. Il essaye un jour et il voit. S'il voit qu'il peut, alhamdoulilah, il continue. Dès qu'il voit qu'il a des complications, il mange. Là, je vais vous donner une faïda, comme on appelle une faïda, inshallah ta'ala. C'est quoi la faïda? C'est que certaines personnes qui mangent, par exemple, pendant le ramadan, ils sont malades, ils prennent des médicaments. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que le fait de prendre un médicament, ça va s'arrêter seulement au médicament. Il te dit, je prends le médicament et je continue à jeûner. Ça, ce n'est pas vrai, c'est faux. Si tu as pris le médicament, tu peux manger tout ce qu'il y a à manger après le médicament. Tu prends le médicament, tu vas direct au frigo, tu manges la poule qu'il y a à l'intérieur. Tu manges tout. Pourquoi? Parce que si tu manges un médicament, là, si tu prends le médicament, tout est permis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent le médicament et se disent, mais je continue à faire le jeûne. Non, le fait que tu aies pris le médicament, ça y est. Maintenant, tu rattrapes après, ou bien tu fais manger quelqu'un, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure. Quels sont les symptômes de possession par un djinn? Ça, c'est un peu long, mais très simple, en une phrase ou deux. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui tombe. C'est quelqu'un qui tombe et qui commence à parler. Qui tombe et commence à dire n'importe quoi. Bien sûr, je ne parle pas de celui qui tombe à cause de l'épilepsie. L'épilepsie, il ne parle pas, il tombe. Il a de la salive qui sort de sa bouche. Celui-là, il tombe, il commence à parler, il commence à insulter, il commence à rire, il commence à dire « moi je suis X, moi je suis Y ». Ça, c'est quand le djinnada, quand il l'a possédé, et bien sûr, ce n'est pas dans tous les cas il tombe. Dans la plupart des cas, il ne tombe pas. La plupart des cas, il ne tombe pas. Et on voit qu'il a changé d'habitude, on voit qu'il ne s'intéresse plus à lui-même, il ne s'intéresse plus même à lui-même, ni à la famille, ni au travail, il est dégoûté, il a beaucoup de djinn, parce que ça dépend du djinn, pourquoi il est venu. Est-ce qu'il est venu avec le sihr, ou bien il est venu avec seulement pour frapper quelqu'un. Parce que des fois il vient avec le sihr, c'est la voyante qui l'envoie, pour séparer entre la femme et l'homme, pour qu'une femme ne se marie pas, pour qu'une femme déteste son mari, pour qu'une femme aime un autre, tout ça, c'est le djinn peut le faire. Et des fois il vient même pour le hasad. Des fois quelqu'un, à force, les gens lui font le hasad, l'envie, ils sont envieux qu'il est possédé par un djinn. Un djinn lui vient à cause du hasad aussi. À cause du hasad aussi. La hawla wa la quwwata illa billah. Le djinn, il est, comme vous savez, est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de vaccins et de ruqya, etc. Quand il vient à la femme des fois pour qu'elle ne se marie pas, quiconque demande sa main, il lui paraît le plus moche du monde. Même si c'est le plus beau du monde, devant ses yeux, dès qu'il rentre, il devient le plus moche du monde. Et la même chose si on fait à l'homme. La femme, elle ne peut plus la sentir. Des fois, sa femme, qui était la plus belle et la plus gentille, elle devient la plus moche du monde. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait quelque chose, le djinn, il vient, il reste entre ses yeux, et il lui assombrit la chose jusqu'à ce qu'il voit noir devant lui. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Est-ce que Ousma, est-ce que Zinjabila et Abdullah ont une question? Faites-vous. Oum Abdurrahman 1979. Naam. Abdurrahman, il faut que un spécialiste des biographies. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma question concerne le fait de nourrir les pauvres pour les jours non jeûnés. Naam. Faut-il que les pauvres soient musulmans, barakallahu fi? Naam, il faut qu'ils soient musulmans. Les pauvres ados, il faut, inshallah ta'ala, qu'ils soient musulmans. Mais pour d'autres choses, quand on veut donner l'argent à quelqu'un, si quelqu'un est un kafir et on sait qu'il est vraiment dans le besoin, on peut lui donner. Mais on commence toujours par les musulmans. Et dans ce cas pareil, les pauvres ados, il faut, inshallah ta'ala, qu'ils soient des musulmans. Naam, est-ce que Zenjabila, tu as une question? Mohamed, 1988. Tafadhal, Mohamed. Souvent pendant le mois de Ramadan, certains frères ont des compétitions dans des sports de combat comme le judo à l'échelle nationale. J'ai vu certains frères qui jeûnaient, préparaient le sac de nourriture pour quand ils n'auraient plus de force pendant les combats pour manger, pouvoir se qualifier, etc. Non. Or, il ne me semble pas que ce soit une raison valable pour rompre le jeûne. Quel est leur jugement, Barakallahu fikoum? Naam, regarde Akhi Mohamed, je n'ai jamais lu dans ma vie une question yani, ou là, quelque chose qui a un rapport avec cette question. Mais je peux te dire comme ça, yani, seulement te donner un avis, ceux-là, s'ils partaient pour le judo ou là, pour la compétition, s'ils partaient dans une autre ville ou là, dans un autre pays, ils mangent à cause du safar. Ils mangent à cause d'avoir voyagé et non pas à cause de la compétition. Mais s'ils sont juste dans leur ville ou là, ils vont pas loin, etc., ceux-là, je ne sais pas s'ils ont le droit de manger. Je n'ai jamais lu ça. Il me semble, il me semble qu'ils ne peuvent pas. Il me semble, là. Mais c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit ça, ni son prophète. C'est moi qui ai dit ça. Il me semble seulement qu'ils ne peuvent pas. Wallahu ta'ala alam, si je trouve, inshallah, quelque chose, je te le dirai. J'ai jamais lu ça quelque part. Ça doit sûrement exister, mais je l'ai pas lu. Inch'Allah, si je trouve quelque chose, je te le dirai. Barakallahu fik. Naam. Palestine, oui, tafadhal. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh wa khiratuh. Quelle, ma question est le fait de dire vive les juifs. Ça sort la personne d'Islam, est-ce une personne différente? Le fait de dire à mort les juifs. C'est pareil, barakallahu fik. Vive les juifs, vive les juifs. Ça dépend, yani, celui qui l'a dit, qu'est-ce qu'il avait dans son cœur. S'il avait dit yani, qu'ils vivent, yani, il entend par là qu'ils vivent yani, à cause de leur religion, etc. Ça veut dire qu'il. Non, pour la rigolade, il n'a pas le droit de dire ça dans la rigolade. Même dans la rigolade, il n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas le droit de dire ça, même pour rigoler. Quand il dit vive les juifs, s'il entend par les juifs, yani, la religion, les juifs avec leur religion, etc., ça veut dire qu'il a dit qu'il y a une mot. Mais s'il dit comme ça, vive les juifs, yani, comme tu as dit, toi, en train de rigoler, ça ne se dit pas, il peut avoir un péché. Ça ne se dit pas. Et, juste les juifs, non. Normalement, il ne le dit pas. Ça ne se dit pas. Il ne le dit pas et ça ne se dit pas. Et il peut avoir des péchés. Il peut avoir des péchés parce que on ne rigole pas, yani, avec des choses pareilles. Les juifs, ce sont les tueurs des prophètes, les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne leur dit jamais. Ça veut dire quoi, vive les juifs? Tu disais que ça veut dire vive. Vive, quand on dit vive X, vive, ça veut dire c'est comme tu as fait un doua, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te fasse vivre. C'est qui fait vivre? C'est Allah. Tu demandes à Allah qu'il te fasse vivre les juifs. La hawla wa la quwwata illa billah. Même en rigolade, ça peut être un péché. Quand il dit amour la juif, amour les juifs, ça veut dire que aussi il fait un doua pour que Allah azza wa jal extermine les juifs. Ça aussi tu ne peux pas le faire. Ça aussi tu ne peux pas le faire. Tu fais un doua contre les juifs qui te font la guerre, les juifs qui sont contre les musulmans, etc. Pas le juif qui n'a rien fait, qui est assis chez lui en train de voir la télévision. Tu fais contre le juif qui te fait la guerre, le juif, les tueurs des prophètes. Yani, c'est pour ça que Nuh alayhi salam, quand il a fait un doua à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a demandé d'exterminer tous les kuffars. Le jour du jugement dernier, quand les gens vont pour l'intercession de la Shafa'a, vont aller chez Adam. Adam va les envoyer chez nous, alayhi salam. Adam, il a dit, j'ai mangé de l'arbre. Quand ils vont chez nous, alayhi salam, il va dire, non, je peux pas. Il va leur dire, je peux pas. J'ai fait un doua qu'il ne fallait pas faire. C'est quel doua? Il a fait un doua contre tous les kuffars. Il faut faire un doua contre les kuffars seulement qui te font la guerre. Pas le kuffar qui ne t'a rien fait. Ça, c'est la justice de l'islam. La justice de l'islam. Naam. Mes questions, tafadhal. Salam alaikum. Est-ce qu'une femme a le droit d'allaiter son premier enfant alors qu'elle est enceinte du deuxième enfant? Sachant que le premier bébé n'a pas encore 2 ans, qu'il n'y a pas de contre-indication ni pour le premier ni pour le deuxième. Tant que le premier mange autre chose que le lait. est-il permis d'allaiter ces deux bébés en même temps après l'accouchement qu'on est-il à l'arrière? Non, il n'y a rien qui annule. Il n'y a rien qui dit que c'est interdit. Il n'y a rien qui dit que c'est interdit. Le premier, supposons elle a allaité le premier, ensuite elle allait seulement le deuxième. Le deuxième, quel lait va-t-il boire? Il va boire le même lait de la mère, le lait d'où il est venu. Il est venu des rapports du père. Le lait ne vient pas seul chez une femme si elle ne se marie pas. Donc c'est l'homme, c'est l'époux qui pousse. Il y a deux, en arabe on dit « yadurro ». C'est lui qui pousse ce lait afin qu'il descende de la poitrine de la femme. Donc maintenant, si elle les arrête les deux, ou bien elle celui-là et l'autre dans 10 ans, c'est la même chose parce qu'ils boivent le même lait du même père. Même père. Wallahu ta'ala, a'lam. Naam. Indi zéro. Tafadlali, marhaban bik. J'espère que le courrier est arrivé, Lyon. Seulement pour dire qu'il y a des questions de sœur. Non, je ne savais pas qu'il y avait des questions de sœur. Parce que j'ai dit à Zinjabila si elle avait, elle ne m'a pas répondu. J'ai dit que vous n'avez pas. Ma'alish, après elle, Oum Abdullah, après elle, prépare la question. Salam alaikum. Pardonnez-moi si vous avez déjà répondu à cette question. Je veux savoir si vous rattrapez les mois de Ramadan que l'on a fait à l'époque, on ne faisait pas salat. Et le Ramadan, lorsqu'on était chiite, est valable aujourd'hui si on est devenu souhaite. Barakallahu fik. Naam, Inch'Allah ta'ala, maintenant après avoir fait le repentir, on ne se tourne plus vers le passé. Ce qui est passé est passé. Allah Azza wa Jalla a dit, Afallah amma salaf. Afallah amma salaf. Le kafir, quand il rentre en islam, Allah Azza wa Jalla ne va pas lui dire, fais ce que tu n'as pas fait autrefois. Maintenant, ce qu'on n'a pas fait quand on ne faisait pas la salat, on n'était pas pratiquant, on faisait tous les péchés du monde. Maintenant, on s'est repenti. C'est une page blanche, une page vierge. On commence de nouveau, Inch'Allah ta'ala. Et celui que tu as fait en tant que chiite, Inch'Allah ta'ala, il est valable. C'est pas la peine parce que tu l'as fait yani, dans des conditions où tu ignorais, etc. C'est maintenant que Allah Azza wa Jal commence yani, à yani, compter les fautes si quelqu'un fait des fautes exprès. C'est qu'il ne peut passer, Inch'Allah ta'ala, il est passé. C'est pas la peine d'y penser. Wallahu subhanahu wa azza wa jal a'lamma. Naam, Abdullah, tafadali. Fiki, barakallah, je n'ai rien fait. Hein, tu voulais barakallah pour tout cela. Moi, je n'ai rien fait, Inch'Allah ta'ala. Une soeur anonyme, une femme qui est enceinte qui a de fortes douleurs. Doit-elle jeûner? C'est ça. Justement, c'est ce que je voulais dire. Si elle a des douleurs, et elle sait quelles sont les problèmes. Si elle a des douleurs et elle sait que ça va lui compliquer les choses, elle mange. Elle dit, c'est elle qui le sait. Moi je peux pas savoir, le médecin ne peut pas savoir. Même le médecin ne peut pas savoir. Elle, en elle-même, elle sait. Elle se dit, ah je commence à avoir des douleurs. Elle essaie de patienter un peu. Quand elle sent que classe, elle, ça fait vraiment mal. Elle peut même craquer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange celle-là et elle fait manger un mendiant après. Donc c'est elle qui sait. Elle, qu'est-ce qu'elle fait auparavant? Elle essaie de patienter pour voir si ça passe ou ça passe pas. Maintenant, si la chose ne passe pas, elle reste. Au contraire, elle devient de plus en plus aiguë. La chose devient de plus en plus aiguë. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange et elle rattrape un autre jour, Inch'Allah ta'ala. Quelles sont les perfusions autorisées pendant le jeûne? Barakallahu fikoum. Naam, les perfusions qui sont permises, toutes les perfusions qui ne font pas manger. Ce n'est pas comme le sérum, par exemple. Quand tu fais une perfusion avec le sérum, c'est comme si tu étais en train de manger. Le sérum, qu'est-ce qu'il fait? Il fait manger. Tu peux rester 2-3 jours sans manger avec le sérum, peut-être un mois. Il y a comme au maqam al-aks. Donc celui-là, il fait manger. Mais toute autre perfusion, quand on fait ici, par exemple, de côté ou là sur le flanc ou là dans la main ou là toute autre perfusion, Inch'Allah ta'ala, elle est valable si elle ne fait pas manger. Si elle ne contient pas des choses qui font manger. Même la pénicilline, elle est valable. Même la pénicilline, contre la pénicilline, elle peut la faire pour devenir fort, etc. Et ça ne fait pas manger. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est qui n'a pose pas question. Oum Abdillah, prépare ta question. Oum Abdillah, je vais t'enlever le point rouge. Prépare ta question. Je te l'enlève maintenant et prépare. pour qu'une personne soit considérée comme sahaba, il faut qu'elle ait rencontré le prophète Hassan, mais qu'elle soit morte croyante. Ma question, est-ce que ça fait des prophètes, Idriss, Ibrahim, Moussa, Hassan, des sahaba qui ont rencontré le prophète Hassan pendant la Isra? Je crois que celle qui a posé la question n'était pas là quand j'ai répondu à cette question. J'ai dit que non. J'ai dit que Isa alayhi salam aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré, et ce n'est pas un sahabi. On ne dit pas de lui un sahabi. J'avais montré la cause, l'une des principales causes, c'est quoi? C'est que si tu dis d'un prophète c'est un sahabi, ça veut dire que tu as fait descendre de son rang. Le prophète est beaucoup plus élevé qu'un sahabi. C'est pour ça que si tu dis que c'est un sahabi, ça veut dire que tu l'as lésé, tu lui as enlevé, tu l'as fait descendre de son plus haut rang vers un rang plus bas qui est le rang des sahaba. Donc le vrai, c'est comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, on ne dit pas d'eux que ce sont des sahaba, on dit que ce sont des prophètes. Wallahu alam. Umm Abdillah, tafaddali. Umm Abdillah, numéro 1, tafaddali. Pose deux questions, qu'est-ce qu'on fait? Pose deux questions. Pose deux questions, j'essaie de répondre vite. Que disent les ulémas sur le fait de vendre de la nourriture pendant les journées de Ramadan, car la pire direction est par des frères dans laquelle travaille mon mari n'ouvrira que le soir? Que disent les ulémas sur le fait de vendre de la nourriture pendant les journées de Ramadan, car la pire direction? Après le Maghreb, pendant le mois d'an. Naam. Le problème, ce n'est pas de vendre ou ne pas vendre. La vente, Allah Azza wa Jal a dit qu'elle était licite. Allah Azza wa Jal a rendu la vente licite. Est-ce que c'est permis que vous vendiez? Est-ce que c'est permis? Naam. Justement, est-ce que c'est permis dans la loi, le pays où tu vis, est-ce que la loi te permet? Si la loi te permet, khlas, c'est permis. Est-ce que le pays où tu vis, est-ce que la loi te permet de vendre et ce n'est pas interdit? Si la loi te permet, tu peux vendre, ce n'est pas interdit. Maintenant, si quelqu'un est dans l'obligation, il n'a aucun travail, il risque de mourir, etc., et il fait ces choses, c'est plus ou moins. Même en étant interdit, c'est plus ou moins. Mais si il a les moyens et il sait que c'est interdit, il vaut mieux qu'il ne le fasse pas. Pourquoi? Parce que il y a des lois qui interdisent cela. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hadith 511. La deuxième question, j'ai oublié. Mon mari demande, parce qu'il n'est pas la soie, quel est le meilleur pour lui en ce qui concerne la lecture du Coran? Lire selon Hafs ou alors profiter du Ramadan pour khatm le Coran selon une des 10 lectures authentiques? Il sait lire selon lui ici, mais il n'a jamais khatm le Coran dans une autre riwaya que Hafs. Est-ce plus méritoire d'avoir choisi? Lire selon Hafs ou alors profiter du Ramadan pour khatm le Coran selon une des 10 lectures authentiques? Naam. S'il veut par exemple lire d'une des dix authentiques, Naam al-Mutawatira, ce sera peut-être qu'il aura fait deux choses de bien. La première, il aura lu le Coran. Deuxièmement, il aura su des choses nouvelles en lisant avec l'autre lecture. Avec l'autre lecture, c'est des mots nouveaux, c'est pas les mêmes chèques. Le O devient A, le A devient I, etc. Ce sera bénéfique dans ce sens. Donc il aura fait deux choses bien. La première, d'avoir lu le Coran, et deuxièmement, de l'avoir lu dans une autre lecture, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala A'lam. Hada, c'est mon avis. Wallahu Subhanahu Azza wa Jal A'lam. Adil 511, tafaddal. Alaykoum salam, wa barakatuh, maghfir. Lorsqu'on fait un sincère repentir et que l'on a juré pour rien, au nom d'Allah, après le repentir, que doit-on faire, barakallahu fikoum? On a juré pour rien. Adil, j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire, on a juré pour rien. On a juré pour rien, au nom d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Qu'est-ce que ça veut dire, on a juré pour rien? Ça veut dire quelqu'un qui ment, il jure quelque chose qui n'est pas vrai. Est-ce que c'est cela le sens? J'ai pas compris. J'attends, On n'a pas tenu son engagement. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. ceci n'a rien à voir avec le repentir. Le repentir, quand tu l'as fait, il est terminé. S'il était sincère, inshallah ta'ala, il a été accepté. Maintenant, quand tu fais une erreur, ou là un péché, ou là un mensonge, ou là tu jures pour rien, ou là, tu as le péché de cette chose seulement. Le repentir que tu as fait auparavant, il n'est pas touché, bidna subhanahu wa ta'ala. Tu as la faute pour la nouvelle chose que tu viens de faire. Et quand on a juré, on n'a pas tenu son engagement, tu sais que on doit faire quoi? On doit faire manger 10 pauvres. On doit faire manger 10 pauvres, sauf si quoi? Sauf si c'est une chose qui nous dépasse. On a juré sur quelque chose qui nous dépasse. Et quand tu jures sur quelque chose, tu dis par exemple, Wallah al-Azim, Bukra, demain, inshallah ta'ala, je vais partir à tel endroit. Et tu pars pas, là tu dois faire manger 10 pauvres. 10 pauvres. Et inshallah ta'ala, tu es sorti de ton problème. Sauf si c'est quelque chose qui nous dépasse. Par exemple, je dis, Wallah al-Azim, je vais donner 100 euros à X. Wallah al-Azim, demain je vais donner 100 euros à X. Je connais X. Ensuite, je cherche X. On me dit, il a déménagé. Il est mort. Il est en prison. Classe. Nada, c'est pas de ma faute. Est-ce que vous avez des questions, les sœurs? Est-ce que vous avez des questions? Là, je passe à Umm Salama. Naam. Umm Abdelnour. Salam alaykoum wa rahmatullah. Bien, Cheikh. Je voulais savoir quelle est la récompense ou le mérite du jeûne de lundi, jeudi, barakallahu fikoum, jazakallahu khairan. Naam. Chère sœur Umm Abdelnour, quand quelqu'un fait le jeûne le lundi ou le jeudi, tu sais que tu dois savoir que chaque lundi et chaque jeudi, ce qu'on fait nous pendant la semaine, les actions qu'on fait, les prières, les salats, tout ce qu'on fait, les actions montent chez Allah subhanahu wa ta'ala lundi et le jeudi. Elles montent. Et quand elles montent, Allah azza wa jalla va les voir et va dire celui-là je lui pardonne, celui-là je ne pardonne pas, etc. Donc le prophète alayhi salatu wasalam a dit, j'aime que mes actions montent vers Allah et tout en étant en train de jeûne. J'aime que mes actions, quand elles montent, je sois saïm. Voilà le mérite quand tes actions montent chez Allah subhanahu wa ta'ala et quoi? Et tu es en plein jeûne. Premièrement. Et deuxièmement, parce que chaque jour que tu jeûnes, Allah subhanahu wa ta'ala va éloigner l'enfer de toi 70 ans. Yani, imagine, tu vas marcher de la ville où tu es, tu vas aller dans un avion qui va le plus vite au monde. 70 ans avec ton avion tu marches sans t'arrêter. 70 ans, où est-ce que tu vas être? Ça, très très très très loin. La même chose, Allah Azza wa Jal, quiconque fait un seul jour nafila pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal va l'éloigner 70 ans de l'enfer. 70 ans, yani, à vol d'oiseau, à ce que tu veux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide parce qu'on est tous des paresseux. Illa ma rahim rabbi. Umm Salama, tafaddali. Il y a des Umm Salama. Naam, Umm Salama, tafaddali. Wa alaykoum salam. Je voudrais savoir pour la femme enceinte, est-ce qu'elle nourrit le porc pendant le mois du Ramadan ou nourrit au Ramadan? Naam. Elle est libre. Elle a une année devant elle pour le nourrir. Elle a une année. Il faut pas que le deuxième Ramadan rentre. Donc elle a 11 mois devant elle pour nourrir le pauvre. Elle n'est pas obligée de nourrir le Ramadan, ni elle n'est obligée de nourrir tous les pauvres à la fois. Elle peut nourrir ce mois une personne, deuxième mois une deuxième personne, et ainsi de suite. Wallahu subhanahu wa jalil alam. Est-ce qu'il y a une question? Là je parle à Umm Safiya. Est-ce qu'il y a une question? Umm Abdullah. Salam alaikum. Une femme peut-elle prendre la pilule pendant le Ramadan dans l'intention de jeûner durant le mois de Ramadan? Barakallahu fikum. Naam, elle peut prendre la pilule pour jeûner, comme on dit les ulama. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, si elle ne prend pas, c'est mieux. Elle peut prendre, mais si elle ne prend pas, c'est mieux. Elle dit, si elle ne prend pas, c'est mieux. Pourquoi? Pour être naturel. Allah Azza wa Jal t'a donné cette chose spécialement pour que tu fasses pas le Ramadan. On essaye de ne pas le contrer. Allah Azza wa Jal a voulu que je ne fasse pas cette semaine pendant le mois. Donc essayons de marcher avec le destin. Le destin, marchant avec lui, et je le ferai après. C'est mieux, inshallah ta'ala. Mais si tu la prends, beaucoup d'ulama ont dit c'est permis inshallah ta'ala. Om Safiya tafaddali. Om Salama fiki barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous me faire un rappel concernant la prière du voyageur? Je vais chez mon père une fois par mois, il habite à 108 km chez moi. Suis-je considéré comme voyageuse? La prière du Maghreb se raccourcit. Naam, la prière du Maghreb ne se raccourcit jamais. Tu la fais toujours 3 rak'at seulement. Et quand tu vas chez ton père à 108 km, tu raccourcis la prière. Tu fais Sobh 2, le Dhuhr tu le fais 2, le Asr 2, le Maghreb 3 et le Isha 2. Ensuite tu fais pas ce qu'on appelle le Shifa, tu fais direct le 8 si tu passes la nuit là-bas. Naam, de préférence tu fais la prière raccourcie et le Maghreb il reste toujours 3, il ne devient jamais 2. Umm Nourain, tafaddali. Umm Nourain, si tu es là, écris un barakallahu fik, au moins qu'on sache que tu es là. J'avais dit la fois passée, barakallahu fikum, essayez de vous yani tiltazimu bihad al-amr. Avant de commencer, écrivez un pour que je sache seulement que vous êtes là. Au moins que je sache que vous êtes là. Maintenant, je ne sais pas Umm Nourain si elle est là ou elle n'est pas là. Abu Maryam, tafaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi, Cheikh, la question n'est pas en rapport avec l'audace. Des fois, quand il y a des ikhwa chez moi, des ikhwa ou des ikhwan muslimon, c'est qui vient chez toi, des ikhwan ou la ikhwan muslimon? On fait la prière ensemble, mais ma femme aimerait bien la faire jama'a en même temps que nous. Mais le problème, c'est que la chambre où elle fait la prière se trouve devant le salon. Là, on se trouve. Est-ce que c'est permis, barakallahu fik? Ikhwa, naam. C'est pour ça que quelqu'un a dit, il a dit alhamdulillah que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran innama al-mu'minuna ikhwa. Il n'a pas dit innama al-mu'minuna ikhwan. S'il avait dit innama al-mu'minuna ikhwan, quiconque ne serait pas un frère musulman, c'est grave. Alhamdulillah, il a dit innama al-mu'minuna ikhwa. Les frères, c'est tout. Al-muhim, quand ta femme veut faire la prière avec vous jama'a, il faut qu'elle soit pas loin de vous. Naam, il faut qu'elle soit pas loin de vous. Tu as dit toi ici, mais le problème c'est que la chambre où elle fait la prière se trouve devant le salon où on se trouve. Est-ce que c'est permis? Ce n'est pas permis. Non, ce n'est pas permis. Personne ne peut être devant le imam que quoi? Que dans la daroura. Daroura, ça veut dire c'est une obligation. Mais ici, il n'y a pas de daroura. Ici, il n'y a pas de daroura. La daroura, c'est tu es dans une mosquée. Tu es dans une mosquée. La mosquée est pleine. Comment tu vas faire? Allez. Derrière, il n'y a personne, il n'y a pas de place, il y a les voitures, il y a la grande rue. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas devant l'imam, avant lui. Là, c'est permis, pourquoi? Parce que tu es dans une daroura. Mais quand il n'y a pas de daroura, ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligé. D'ailleurs, elle, la femme, elle peut la faire avec sa fille là-bas, ou là, avec un enfant à elle, ou là, toi, tu fais avec elle, ou bah, tu fais avec elle, Nafila, toi, Nafila, elle, avec l'intention du fard. Mais en principe, elle doit être derrière vous, pas avant. Sauf, comme je viens de dire, dans l'obligation. Cheikh Umm Safiya me dit qu'elle n'avait pas fini sa question. Mais allez, je l'attends, Umm Safiya. Où est-ce qu'elle est, Umm Safiya? Je lui enlève le rouge. Elle prépare sa question. Naam, c'est à qui le tour maintenant? Sonia Hanan, tafaddali. Umm Safiya, j'attends que tu termines ta question, tu la reposes. Ou là, tu la donnes à une des sœurs. Alaykoum salam. Est-ce que la femme enceinte ou qui a l'aide peut rattraper des jours non jeûnés au lieu de nourrir un pauvre si cela lui facilite notamment du point de vue financier? Barakallahu fi. Naam, elle peut le faire. Elle prend avec ce qu'a dit par exemple Cheikh Ben Outhaymin rahmatullah. Cheikh Ben Outhaymin a dit une femme quand elle a l'aide ou là elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Il a dit elle rattrape les jours qui sont passés. Il n'a pas dit comme a dit Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani a dit non, elle rattrape pas, elle fait manger. Et il a dit, j'ai des hadiths qui sont vrais. Cheikh Ibn Uthaymin n'a pas pris cet avis, il prend de l'autre avis. Donc toi, si tu rattrapes, Inch'Allah, tu prends de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Umm Safiya, tu peux lui demander si le Maghreb et Isha peut se regrouper en faisant 3 pour le Maghreb, 2 pour le Isha. Naam, on peut regrouper entre le Maghreb, on fait 3, on fait 2 pour le Isha. Tu peux regrouper entre le Maghreb, tu le fais 3, ensuite tu dis salam alaikum, tu refais l'iqama, Allahu Akbar, qad qamat salat, ensuite tu fais le Isha deux seulement. Naam. Abu Ahmed, tafaddal. Abu Ahmed n'a pas de rouge. Fiki barakallah. Au Mounourain, je l'ai pas fait descendre dans au Mounourain. J'ai pas voulu lui donner un point rouge. Je me dis peut-être qu'elle est en train d'écrire ou là, je ne sais pas, peut-être qu'elle va revenir. Mais Abdullah, il y a des questions de soeur, après des questions que vous recevez si vous pouvez. Naam, j'attends la question de Abou Ahmed. Comme ça, peut-on jeûner une semaine entière, neuf et là, en dehors du Ramadan ou de Chaban? Peut-on jeûner une semaine entière, nafila, en dehors du Ramadan ou de Chaban? Dépend de, est-ce qu'on peut jeûner le samedi ou on peut pas? Naam, une semaine au moins. Naam, ça dépend de quoi? Ça dépend du samedi. Ah, 4 jours, 5 jours, naam, tu peux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, les sahaba ont dit, il jeûnait au point où on disait, il va plus manger. Et il mangeait au point où on disait, il va plus jeûner. C'est de cela aussi, c'est de ce hadith que certains ont dit, tu peux jeûner le samedi. Ils ont dit, comment le prophète sallam jeûnait-il au point où on disait, il va plus manger? Donc c'est un délit qui jeûnait peut-être 26 jours, 27, 28. C'est pour ça que certains ont dit, on peut jeûner le samedi à cause de ce hadith. Donc 4 jours, 5 jours, yani tu peux facilement, et c'est bien, inshallah ta'ala, et c'est bien. C'est bien, inshallah ta'ala. Naam. Oum Abdullah pose une question, inshallah, je donne la robe de zinc. Pose une question. C'est une question qui n'est pas en rapport avec le DAF. Fadli, envoie-la. Inch'Allah, qu'on sait la fakat. Envoie-la. Lorsque mon mari est venu me demander en mariage auprès de mon père, celui-ci, mon père, a exigé de lui qu'il donne une dot d'une somme assez importante, tout en sachant que j'avais discuté avec mon père pour lui dire que ce n'est pas lui qui fixe la dot et que de toute façon la somme qu'il demandait n'était pas raisonnable, mais pas en accord avec la sunna. Mon père m'a dit que la question de la dot ne me regardait pas, c'est à lui de s'en occuper. Mon mari a accepté de payer cette somme en plusieurs fois. Et ma banque. J'attends la suite, Inch'Allah ta'ala. On raille. Et ma banque donné. Je vois pas où j'étais. Hein. Il m'a donc donné une partie. Je lui ai dit que cette partie me suffisait, qu'il n'avait pas inversé autre chose et que la somme qu'il m'a donnée serait ma dot. Ma question est la suivante. Est-ce que mon mari se doit de respecter l'engagement qu'il a pris auprès de mon père de me payer la somme, ou alors doit-il s'en tenir à ce que moi je voulais comme dot, et dans ce cas il ne doit plus rien me verser? Il ne doit plus rien te verser si tu as accepté. La dot, ton père n'a rien à voir avec elle. Maintenant, s'il sait qu'il va avoir des problèmes avec ton père, ça c'est autre chose. C'est entre lui et ton père. Entre toi et lui, le fait que tu aies accepté, khalas. Le fait que tu aies accepté, khalas. Maintenant reste le problème entre toi et ton père, comment il va le régler, ça c'est autre chose. Parce que ton père, il peut dire, on n'a pas dit ceci, on a dit cela. Ça c'est entre yani, ton père et lui. Mais entre toi et lui, il peut ne plus rien te donner si tu acceptes et tu te désistes de ce qui reste. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Le zinc, tafaddal. Mourain a posé sa question, mais ça se voit pas. Dis-lui de répéter, peut-être elle l'a posé longue. Dis-lui de la couper, barakallahu fiha. Dis-lui de la couper, c'est tout. Comme salam, quand la femme fait la salat, doit-elle mettre ses mains en dessous de son fouloir ou au-dessus quand elle a les mains sur la poitrine, barakallahu fiha? Non. Quand une femme fait la salat, doit-elle mettre ses mains en dessous de son fouloir ou au-dessus quand elle a les mains sur la poitrine, barakallahu fiha? Ce que je sais, c'est que la femme fait la prière comme l'homme. La femme fait la prière exactement comme l'homme. Et quiconque dit qu'il y a une différence en une partie de la salat entre l'homme et la femme, il doit faire venir un délil. Il doit dire il y a un délil qui dit que la femme ici ne fait pas comme l'homme. Car innama an-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal. Le din hada a été descendu spécialement, généralement pour l'homme et la femme. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans les adorations, sauf les adorations spéciales où la femme, quand elle a les menstrues, elle ne fait pas la prière, quand elle a les lochis, elle reste plusieurs jours, etc. En principe, elle met les mains sur sa poitrine exactement comme met l'homme. Et puis il y a autre chose. Maintenant, si les mains, c'est pas une aura en dehors de la salat, ou si elles ne sont pas une aura dans la salat. Parce que si dehors elle peut montrer ses mains, c'est qu'elle peut les montrer aussi quand elle est dans la salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fiqh 2006. Salam alaikum wa rahmatullah. Quel est le jugement pour une personne qui fait le ramadan mais ne fait pas la prière? Le ramadan est-il valide ou non? La hawla wa la quwwata illa billah. La réponse dépend de, yani, est-ce que la salat, celui qui la fait pas, il est kafir ou il n'est pas kafir? Si tu prends de Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah et les ulama qui disent il est kafir, ils disent que son ramadan n'est pas accepté. Si tu prends de ce qu'a dit Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, et c'est la chose à laquelle je penche, c'est que il est toujours musulman s'il ne la fait pas à cause de la paresse seulement. Dans ce cas, son ramadan est accepté bi'idhna ta'ala, même s'il ne la fait pas. Car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. Donc, c'est comme je viens de te dire, d'après la divergence des ulama sur la salat. Naam. Si quelqu'un, dans son cœur, il dit la salat, celui qui la laisse, il n'est pas kafir, donc celui-là, il fait le ramadan. S'il dit les kafir, c'est pas la peine qu'il fasse le ramadan. Naam. Inch'Allah ta'ala, je viendrai écouter tes doros de fiqh. Je suis venu une fois. Abdul Ghani 12, tafadhal. Bon, c'est qui n'a pose ta question. Abdul Ghani, une seconde, tafadhal. C'est qui n'a pose ta question, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum, monsieur. Voilà, j'ai une belle sœur. Naam, fika barakallah. Jazakallahu khair. Fiqh 2006. Alaikum salam. Voilà, j'ai une belle sœur qui est tombée dans le coma suite à un accouchement. Elle s'est réveillée, mais elle est loin du Sina. Elle ne marche pas. Elle est paralysée. Elle ne parle pas. Allah al-afiya. Si possible, que ce soit un djinn qui peut lui donner ce coma. J'en ai même venu lire sur elle. Il a dit que c'est fort probable. J'ai lu parmi certains symptômes de coma peuvent être causés par un djinn selon Cheikh Abdeslam al-Bali. Naam. Pouvez-vous me questionner, mes frères de com, de mon frère sûr de faire doua pour elle, barakallahu fikum. Naam. Ceci est possible. Je dis qu'il est possible. Et vous devez tous savoir, Inch'Allah ta'ala, et toutes, que yani, beaucoup de femmes, après l'accouchement, yani, sont devenus dans un cas pareil. C'est pour ça que quand la femme accouche, la plupart des femmes disent yani, ne cherche pas à savoir si c'est un garçon ou une fille, s'il est beau ou s'il est moche, dis alhamdoulillah, savoir quoi, savoir yani alhamdoulillah que rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils savent justement que des fois avec l'accouchement, des fois yani la femme perd son cerveau, yani se perd elle-même. Naam. Des fois c'est très très difficile, ça arrive. Donc la probabilité du djinnadi existe, mais elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas très forte. La probabilité existe, mais elle n'est pas très forte. C'est pour ça que lui, il ne perd rien, il essaye de lui faire une ruqya, etc. Il essaye. Mais, Inch'Allah ta'ala, il y a des cas qui sont arrivés comme ça, et ensuite, après un certain temps, leur cerveau, etc., leur conscience leur est revenue. Yani, des fois ça demande un peu de temps et ça revient. Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, nishfiya. Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, nishfiya. Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, nishfiya. Nishfiya jami' al-mu'minin wal-mu'minat. Abdul Ghani, tafaddal, Abdul Ghani 12. Nam, j'ai dépassé d'une minute. Nam, demain j'ai pas. Demain je suis libre. Allez, un quart d'heure ou là. Abdelrani 12, tfadal. Il n'est pas là. Jamal 38, tfadal. Est-ce qu'on peut faire des prières sur le gotoir en groupe? Car au Tarawih, on fait les trois dernières quatre ensemble et à voix haute. Ma femme a du mal à lire la Fatiha la Surat. Est-ce que quand je prie avec elle et qu'elle ne la dit pas, ou elle dit à moi qui est la Surat Fatiha, la prière est valable? Merci. Il y a deux questions ici dans la même question. La première question, est-ce qu'on peut faire des prières sur le gotoir en groupe? Car au Tarawih, on fait les trois dernières quatre ensemble. Non. Le asl, que la prière surérogatoire, que la prière en groupe ne se fait que pour le fard. C'est ça l'asl. L'asl, tu ne dois faire en groupe que pour faire le fard. Et il y a une exception, laquelle? Salat Tarawih. Salat Tarawih, c'est une exception que tu peux la faire, tu as un délit avec laquelle, yani, tu peux la faire en groupe. Maintenant, quand est-ce qu'on peut faire la prière en groupe quand ce n'est pas Tarawih? Quand tu es par exemple chez quelqu'un et sans le vouloir, sans faire un accord, par exemple lui il a commencé à faire la prière. Il est en train de faire la prière surérogatoire. Ensuite toi tu dis, je vais rentrer avec lui dans la prière pour être en groupe. Tu viens à sa gauche ou bien tu viens de l'autre côté, il doit être à ta droite et tu fais de l'Allahu Akbar. Celui-là, il est rentré avec quelqu'un, ils sont en train de faire la prière en groupe sans être d'accord. C'est-à-dire, ils ne se sont pas mis d'accord pour faire la prière. Celle-là, tu peux la faire. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois la nuit, il était seul en train de faire la prière. Abdullah ibn Abbas, qui était en train de dormir, s'est réveillé, il a fait le wudu et il est allé se mettre devant lui. Tu te mets devant lui, à la droite de celui qui guide, tu peux le faire. Pourquoi? Parce que c'est venu comme ça. Mais si vous faites un accord, vous dites viens faire la prière en groupe, ça le Cheikh Al-Albani il a dit dans Silsila Sahiha, il a dit peut-être si tu le fais une fois ça passe, mais si tu veux faire ça yani, beaucoup de fois, il dit ça rentre dans la bid'a, parce que la prière surérogatoire c'est quelque chose que tu dois cacher, tu dois seul l'Azza wa Jal, si tu peux, seul lui la voit. Alors faut pas que les autres sachent que tu l'as fait. Allah subhanahu wa ta'ala alam. En ce qui concerne ta femme, quand je prie avec elle, elle n'a pas dit Naam, quand tu pries avec elle, c'est toi qui guides la prière et elle qui est derrière toi. Dès que toi tu t'inclines ou tu te prosternes, elle doit couper et faire comme toi. Elle n'a pas le droit de continuer. Dès que l'imam il dit Allahu Akbar, il s'incline, tous ceux qui sont derrière, hommes et femmes, ils disent Allahu Akbar et ils descendent. C'est pas la peine de la terminer. Naam. Le frère Abdelrani est bloqué. Il ne peut pas poser la question. Abdelrani est bloqué, donc on va faire sortir et il va revenir. Il n'y a pas d'autre solution. Naam. Une seconde, je vais l'enlever de la hop. Abdelrani. Non. Voilà, inchallah, maintenant il peut rentrer, inchallah ta'ala. Le zinc, je ne sais pas où j'étais. Jamal 38, qu'est-ce qu'il a posé sa question? Ibn Mohamed Rifi, tafadal. Ibn Mohamed Rifi. Bon, je vais enlever ceux qui ont parlé. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'une femme enceinte doit-elle jeûner le mois de Ramadan? Jazakallahu khair ya Ibn Mohamed Rifi. Nous, pendant une heure et demie, on parlait de la femme, est-ce qu'elle peut jeûner ou elle ne peut pas. Pendant une heure et demie, on a parlé, est-ce que la femme enceinte doit jeûner ou ne doit pas jeûner. Mais allez, je répète, une femme enceinte, si normalement elle doit jeûner, mais si elle a peur pour elle, ou bien elle a peur pour son bébé, elle peut ne pas jeûner. Je répète, une femme enceinte, elle doit jeûner. Mais si elle a peur pour elle, ou elle a peur pour son bébé, elle ne jeûne pas. Et après le ramadan, pour chaque jour qu'elle a mangé, elle fait manger quelqu'un. Elle fait manger quelqu'un pour chaque jour qu'elle a jeûné. Voilà, Inch'Allah ta'ala. Oum Abdullah pose une question. Ibn Jabir ne pose plus. Pourquoi? Une sœur qui avait posé la question par message, est-ce que le fait de prêter serment d'Allah, les gens, un gouverneur implique qu'on doit l'aimer et que ça rentre dans le fait d'aimer Allah et de détester Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. L'emploi rouge, je la vois pas. J'ai cherché, je voulais te répondre, mais j'ai pas trouvé l'adresse de la sœur Hadi. J'ai pas trouvé l'adresse de la sœur Hadi. C'est pour ça que je lui ai pas répondu. Bon, une seconde, je suis en train de chercher où est-ce qu'il y a des Zanjabila, je l'ai pas trouvé. Hein. Je l'ai pas trouvé dans la liste ici. Peut-être que... Bon, elle n'est pas là, elle est absente. Non, je disais que ma soeur, en ce qui concerne le gouverneur, ce que tu dois, c'est lui obéir. Ce que tu dois, c'est lui obéir. Maintenant, ce qu'il y a dans ton cœur, ça c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, l'essentiel, c'est que quoi? C'est de lui obéir et de ne pas exhorter les gens contre lui. De ne pas exhorter les gens contre lui. Quelle est la preuve que on peut détester quelqu'un? Quelle est la preuve? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khiyaru a'immatikum, les meilleurs de vos gouverneurs, alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, ceux que vous aimez et qui vous aiment. Wa tusalluna alayhim wa sallamu alaykum, et vous leur faites des doigts, ils vous font des doigts. Wa shiraru a'immatikum, et les plus mauvais de vos gouverneurs, hum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum, ce sont ceux qui vous détestent et vous les détestez, et ils vous maudissent, vous les maudissez. Donc c'est une preuve que tu peux détester quelqu'un, mais l'essentiel c'est quoi? C'est de toujours lui obéir. Toujours lui obéir quand il ne t'ordonne pas quelque chose de haram. Quand il ne t'ordonne pas quelque chose de haram, tu lui obéis toujours et tu ne parles pas aux gens contre lui. Tu n'exhortes pas les gens, tu les incites pas contre lui. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mohamed 054, tafadhal. Salam alaykoum ahlallah. Est-ce que je peux connaître le livre de Siyam avec lequel vous avez fait photo? Est-ce que le livre de Hadith qu'on a étudié bien, Sahih Jama' Sarir, aussi différent? Celui qui parle. Naam, c'est le livre Sahih Jama' Sarir. Sah, c'est lui. Sahih Jama' Sarir wa Ziyadatu, Tashikh al-Albani. Le livre dont je suis en train de lire, c'est l'un des élèves de Sheikh al-Albani. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que il se base beaucoup sur le Cheikh al-Albani et il lui demande des choses comme ça, yani secrètes. Par exemple, ils sont assis ensemble, il lui dit quel est votre avis sur ceci, sur cela, et il a posé ici ses avis, yani des choses qu'on ne trouve pas dans un autre livre. Il s'appelle Al-Mawsu'atu al-Fiqhiyatu, Al-Mawsu'a al-Fiqhiyya al-Muyassara de Cheikh Ma'ouf Hussein bin Aouda al-Awaisha. Hussein bin Aouda, c'est un Jordanien, Ordon. Hussein bin Ibn Aouda al-Awaisha, il a ce livre, c'est le tome numéro 3. Je crois qu'il est au 6e tome. À chaque fois, il fait sortir un tome. Non. Quel est l'avis le plus bon pour celui qui ne fait pas la prière? Celui qui ne fait pas la prière, je prends avec l'avis de Sheikh al-Albani. J'ai lu les deux, je penche vers ce qu'a dit Sheikh al-Albani, que s'il ne la fait pas paresseusement seulement, c'est pas un kafir. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Non. Suleiman 4. T'affadal. J'ai entendu que lorsqu'une sœur frappe à la porte et la femme n'est pas là, le frère qui peut lui répondre en frappant par trois fois au lieu de lui parler. Est-ce vrai ou c'est une sunna? Ça c'est une bida. Ça c'est une bida que l'homme ne répond pas à la femme. Et même la femme qui se dit moi je ne vais plus parler aux hommes, elle va rentrer dans la bida aussi. Vazéodil n'a jamais interdit à la femme qu'elle parle à l'homme ou à l'homme qui parle à la femme. Il a interdit que quoi? Que quand elle parle, elle adoucit sa voix et elle voudrait l'attirer avec sa voix. Elle parle d'une façon que, yani, pour l'exciter, etc. Ça, ce qui est haram. Mais une femme qui parle avec un homme comme ça, normalement, comme elle parle avec ses enfants ou son mari ou son père, ceci n'est pas haram. Bien sûr, elle ne parle pas, yani, pour ne rien dire. Elle parle quand elle a besoin de parler. Demande la rue, elle dit à quelqu'un votre portefeuille est tombé, elle dit n'avez-vous pas vu ma voiture, elle dit ceci, ça c'est normal, inshallah ta'ala. Et là, je vous ai dit dans le Coran, en parlant d'une femme qui a parlé avec un homme, elle a dit inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqayta lana. Mon père t'invite à la maison pour que, elle a dit, elle a parlé avec quelqu'un, elle lui a dit mon père t'invite à la maison pour te payer à cause de tu nous as donné de l'eau, etc. Et si c'était haram, elle n'aurait pas parlé. Donc ceux qui disent que la voix de la femme est une aura, ils se trompent cela, ils se trompent. Naam. Où est-ce qu'on était, Oum Suleyman? Naam. Hind 0. Je me suis trompé, hein. Indi 0, je voulais te donner le micro, je t'ai donné un point rouge. Salam alaikum, barakallahu, j'ai bien aussi, mais désolé pour la réponse tardive. Le Coran a été révélé la nuit du destin en une fois. Comment exactement? Car il est dit qu'il a été révélé petit à petit au prophète. La doua, taqabbala minna omikon, on peut la dire avant la prière de l'Eid, ou bien c'est obligatoirement après la prière. Barakallahu fikum. Naam. Le Coran, Allah Azza wa Jalla l'a fait descendre en une fois sur le tableau préservé. Ensuite, Jibril alayhi salam, il prenait à chaque fois du tableau et il descendait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire une fois et le fait de dire plusieurs fois. Une fois par rapport au tableau préservé, plusieurs fois par rapport à Jibril alayhi salam qui prend du tableau et fait descendre vers le bas. Le doua taqabbala minna wa minkum, il le disait, je savais qu'il le disait après la prière. Je savais qu'il le disait, que les sahabas quand ils se sont rencontrés, etc. Il le disait après la prière. Et si quelqu'un, par exemple, s'est pas réveillé à faire la prière à la maison, ou bien une femme qui va pas faire la prière, etc., elle peut le dire, inshallah ta'ala. Yani, si elle le dit avant, ce n'est pas grave, inshallah ta'ala, ça rentre ni dans le bid'a, ni dans le haram. Ibn Abdul Wahhab, tafaddal. Inch'Allah, Nourain, c'est la dernière. Inch'Allah, Nourain, c'est la dernière. Donc il reste Fiqh, Abdurrani, Nourain. Concernant le jeûne du samedi, est-ce que la pratique du Nabi citée dans le hadith suivant est spécifique au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou cela prouve-t-il que le jeûne du samedi est permis et qu'il prouve l'étonnement des compagnons dans le hadith? Quel est le hadith? Abbas radiallahu ta'ala, Ba'athmi, l'Om Salam, Al-Sam, Iyam, هذا يسمى السبت الأحد فرد أخبرتهم وكأنهم أنكروا ذلك فرجع فأخبرتهم كما أنكروا ذلك فقاموا إنا بعثنا كذا وكذا إنك يقول كذا وكذا كان يسمى إيام السبت الأحد كذا يقول المشركين الله أحسنه الأبناني نعم أحادثهم نعم نعم أسك سو حادث Cheikh Al-Albani n'a pas dit que ce hadith est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on ne peut jamais dire qu'une chose est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'avec un autre dalil. Il faut un deuxième dalil pour dire que la chose est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il te dira? Il te dira ce hadith, qu'est-ce qu'il comporte? Il comporte qu'il est permis de faire le jeûne le samedi et dimanche. Et les autres hadiths interdisent de faire le jeûne. Et quand il y a deux hadiths qui se contredisent comme ça apparemment, l'un qui est interdit, l'autre qui permet, il dit on prend avec celui qui est interdit. Comme c'est une règle d'ailleurs. C'est une règle qu'on prend avec celui qui est interdit. C'est comme ça que répond Cheikh Al-Albani et il ne dit pas que c'est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Fiqh 2006, tafadlal, Fiqh 2006. Jazakallahu khair, naam. La barbe est obligatoire. Faut-il laisser pousser la barbe ou bien il faut la couper dès que cela dépasse la poignée de la main? Je sais qu'il y a divergence, mais qui est la parole la plus juste? Je n'arrive pas à trancher. Barakallahu fikum. Naam. La parole la plus juste, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, c'est que il faut la laisser. Et ici, on peut la laisser, on peut la laisser, mais pas au point qu'on nous montre des doigts. Pas au point, yani, où, comme l'a dit certains, qu'elle arrive jusqu'au nombril ou elle arrive jusqu'au genou. هذه ce n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe assez importante. D'ailleurs, les sahaba disaient, quand il lisait, il faisait la prière, on était derrière lui, on voyait sa barbe, yani, bouger. Yani, on disait, donc il est en train de lire. On voyait, yani, sur les joues à droite et à gauche, par derrière. Ça, yani, tellement elle est touffue, comme on dit, touffue. Mais question de longueur, bien sûr, tu dois savoir que Cheikh Al-Albani a dit que c'est même un fasq. A dit, s'il la coupe pas, il rentre dans le fisq. Yani, c'est un mubtada, il doit la couper. Mais le moyen, c'est de dire que, Inch'Allah ta'ala, s'il la laisse assez longue, c'est bien. Car le prophète Hassan a dit, ful liha. Mais s'il la laisse, yani, beaucoup, ça, il rentre dans quelque chose que les sahaba n'ont pas fait. Ni le prophète, ni les sahaba radiallahu ta'ala, n'ont laissé leur barbe comme ça. Un mètre ou là je ne sais pas combien. Ça, yani, ce n'est pas de la sunna du prophète Hassan et de ses sahaba. Mais si tu la laisses, même après la poignée, tu la laisses assez, yani, inshallah ta'ala, c'est valable. Car, yani, ce qu'a dit l'Albani, rahmatullah, c'est aussi un peu bizarre. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala. On était où? Abdul Ghani, tafaddal. Cheikh, la sœur Oum Romain, la sœur Tour, a une sœur qui n'est pas facile. D'accord. C'est qui la sœur? Donne-moi son nom. Abdul Ghani 12, ta femme l'avant-dernier. Tu es l'avant-dernier. Pose ta question, Inch'Allah. Sakina, dis-moi quel est le nom de celle qui va passer à la place de Oum Nourain. Ma femme a demandé le khula. Je voulais qu'elle garde la dot, donc. Naam, tu l'as envoyé elle, sur les mails, je l'ai lu aujourd'hui. Donc je l'ai divorcé. Elle veut savoir, est-ce un divorce ou un khula? Elle veut savoir, est-ce que c'est moi qui dois faire des efforts ou à elle? Je n'ai pas compris quels efforts elle fait. Quels sont les efforts qu'elle fait, Wesmak, Abdul Ghani? Tu parles de quels efforts? Premièrement, Abdul Ghani, j'espère que ta femme a demandé le khula. J'espère que ce n'est pas parce qu'elle m'a entendu parler de khula. J'espère que elle l'a lu ça, inshallah, quelque part ou là. Moi, je dis que la femme doit, yani, patienter avec son mari, inshallah ta'ala. Surtout si c'est quelqu'un de pieux, surtout si c'est quelqu'un de gentil, surtout si elle a des enfants. Ce n'est pas facile à une femme maintenant. Mariée avec des enfants, elle va se marier yani, facilement. Ce n'est pas facile. Il y a des jeunes filles qui ne se sont jamais mariées. Elles ont des difficultés à se marier. Donc, que chacune, Inch'Allah ta'ala, essaye de garder son mari à elle au maximum. Maintenant, s'il y a des choses insupportables, bien sûr, elle ne doit pas rester souffrir. Elle ne souffre pas à cause des choses que Allah a interdites, etc. Celle-là, Allah Azza wa Jal lui a donné des issues. Elle croit que c'est comme celle qui a demandé que c'est à elle de faire des efforts pour que ça marche. Bon, commençons par le début. Ma femme a demandé le khula. Je voulais qu'elle garde la dot. Donc je l'ai divorcé. Là, tu l'as divorcé. Elle voulait le khula. Elle rend la dot et tu la divorces. Et vous vous séparez. Maintenant, toi tu as divorcé. Tu as dit, ça ne t'est pas l'air. Et elle t'a pas donné la date. Donc tu as fait un divorce. Maintenant, quand tu fais un divorce, elle doit rester chez toi. Elle doit rester chez toi, quoi? Pendant les trois menstrues. Si c'était un khula, elle serait restée seulement une seule période de menstrues. Mais puisqu'il y a un divorce, elle doit rester trois périodes. Pendant ces trois périodes, si Allah Azza wa Jal veut encore ce mariage, il fera de sorte que vous vous unissiez une autre fois. Parce qu'elle est là devant toi, elle s'habille bien, elle s'embellit, etc. Donc, c'est que Allah Azza wa Jal, les efforts pour l'Aïda. Qu'est-ce que ça veut dire les efforts pour l'Aïda? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Elle fait des efforts pour l'Aïda. Quels efforts? J'ai pas encore compris quels efforts elle doit faire. J'attends que tu me répondes, j'ai pas compris. et les efforts de la Ida. De toute façon, Abdul Rani, moi j'ai lu l'email que tu m'as envoyé tout à l'heure. J'ai trouvé que yani ta femme ici, quand elle a demandé le khula, elle l'a demandé pour des raisons qui ne sont pas valables. Alors pour qu'elle sache ceci, elle a demandé pour des raisons qui ne sont pas valables. Une femme demande le khula parce que son mari n'est pas pieux, parce que son mari suit les femmes, parce que son mari veut faire les rapports pendant les menstrues, parce que son mari c'est un pervers, son mari insulte le din, ceci, elle demande. Mais on ne demande pas le khula pour quelqu'un qui applique beaucoup la sunna. Quelqu'un, à cause qu'il applique beaucoup la sunna, il veut s'habiller comme le prophète, il veut manger les dattes, il veut ceci, on fait le khula pour ça. Ça, on n'a jamais entendu ça, ni ça s'est passé dans l'islam. Dans l'islam, ça s'est passé que la femme demande à cause que yani, l'homme a changé. L'homme est devenu pervers. L'homme ne fait plus la prière, il n'a fait plus à l'heure. C'est pas on demande le khul à quelqu'un qui fait la prière à l'heure, à quelqu'un qui fait de musique. C'est quoi le khul? Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. En arabe, ça s'appelle khula. C'est une forme de divorce. C'est la femme qui rend la dot. La femme, elle rend la dot à son mari et ils sont séparés. C'est une annulation, c'est pas un divorce. Ça doit avoir un nom en français, je le connais pas. Ça doit avoir un nom en français. Non. Donc, je demande à cette femme qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal, elle ne donne plus mon droit. Non. Je vais dire quelque chose à Blani. Cette femme, j'ai bien peur que Allah Azza wa Jal la punisse par quelqu'un après toi, hein. Elle se sépare de toi, ensuite Allah Azza wa Jal, j'ai peur qu'il lui donne quelqu'un qui va lui faire goûter l'enfer ici, va lui faire goûter le calvaire ici. Va lui dire, tu veux pas quelqu'un de la sunna, tu veux toi la perversité, tu veux la bid'a. Je vais te montrer, je vais te donner quelqu'un qui va se marier avec toi et tu vas voir ce qu'il va faire. Du matin au soir, avec les femmes et l'alcool et la drogue, bien sûr, je lui souhaite pas cela. Je dis seulement, attention, il faut avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna al-mukhtali'at hunna al-munafiqat. Il a dit, celles qui font le khula, ce sont les hypocrites. Ça veut dire celles qui le font sans raison. Comme elle l'a fait cela. Sans raison. Parce qu'il est pratiquant, parce qu'il fait, il a un turban sur sa tête, parce qu'il a le qamis. Je fais le khula moi. Je lui demande de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir peur. De toute façon, toi, Akhi Abdul Rani, tu dis qu'elle ne me donne plus mes droits, etc. Maintenant, une femme qui ne te donne plus tes droits, pourquoi tu restes avec elle? Divorce-la, elle n'est pas faite pour toi, elle est faite pour un autre. Laisse-la se marier avec un autre. Ensuite, nous, on fait pas de doigt contre elle. On demande à Allah azza wa jal qu'il l'aide. Lakin Allah azza wa jal est juste. On verra avec qui elle va se marier une deuxième fois. C'est qui n'a deux, pose ta question, je crois que c'est la dernière, pose ta question. Abdul Rani, laisse-la partir, divorce-la, marie-toi avec une sœur qui aime cela, il y en a plein, il y a beaucoup de sœurs qui aiment cela, même ici dans la salle, il y en a celles qui aiment cela. Allah Azza wa Jal t'ouvrira, Inch'Allah Ta'ala, des portes, et tu verras que tu ne seras que plus heureux, Inch'Allah Ta'ala. Important pour la sœur Barclofique. J'ai une question très urgente. Je viens de guider la salat l'Isha avec des sœurs. Et à la fin de la première raka, je me suis rappelé que je n'avais pas l'eau dans l'âme. Je n'ai pas coupé la salat parce que je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je la refais et les sœurs qui prient avec moi, Barclofique, comme je disais que l'Ohera. Naam, écoute ma sœur. Quand quelqu'un se rappelle qu'il n'avait pas fait l'eau dans, au moment même où il se rappelle, sa prière est annulée. Il doit sortir. Lui, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Je me suis déconnecté. Fais saute. Naam. est-ce que la sœur a écouté ma réponse? Est-ce que la sœur qui m'a posé la question de la prière, qui guidait la prière, elle n'a pas entendu, hein? Ça s'est coupé. Je disais à ma sœur que quand quelqu'un fait la prière, juste au moment où il se rappelle qu'il n'a pas fait le wudu, il sort de sa prière, parce que sa prière est annulée. Et que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ou bien elle continue seule, ou bien une autre les guide à ta place. Ou bien elle continue seule, ou bien une autre les guide à ta place. Maintenant, quand on a terminé la salat, par exemple, c'est pas la peine de dire aux autres, voilà, moi j'ai fait la prière, sans wudu j'ai oublié, etc. Pour que les autres, c'est pas la peine qu'ils refassent la salat. Car toi, quand tu t'es rappelé, tu es sorti, les autres ont terminé leur salat normalement. Ils ne sont pas attachés avec toi. Les autres étaient avec le wudu et chacune des sœurs a terminé seule. Donc, leur prière, inshallah ta'ala, est valable. C'est seulement toi qui dois refaire la salat. Toi, tu dois la refaire, bien sûr, parce que tu étais sans wudu. Et ça arrive à tout le monde. Hein? Ça arrive à tout le monde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il est venu, il a dit Allahu Akbar, ils ont commencé salat subh, ensuite il s'est rappelé que non seulement il n'avait pas le wudu, mais il n'avait pas le lavage majeur aussi. Il était en janaba, sallallahu alayhi wa sallam. Il les a laissés comme ça, il est sorti, il a fait le wudu, il est revenu, il a terminé avec eux la prière. Ils l'ont attendu, il a fait le wudu et il a terminé avec eux la prière. Les ulama ont dit, dans ce cas, il ne faut pas qu'il donne son dos à la qibla. Il faut qu'il fasse le wudu, yani, dans la direction, par exemple, il est comme ça, il va à l'avant, il fait le wudu, il revient marche arrière à sa place. Il ne faut pas qu'il donne le dos à la qibla. C'est comme ça qu'a dû faire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il est revenu. Et même s'il a donné, par exemple, s'il a donné le dos à la qibla, où là il a parlé avec les gens, etc. Supposons, maintenant, je suis en plein salat, elle n'est pas sortie de la salat. Elle n'est pas sortie, je crois qu'elle a dit je suis sorti, c'est comme ça que j'ai lu. Elle a dit je suis sorti. Elle a continué la salat. Naam. Quand quelqu'un termine sa salat, non, elle ne savait pas quoi faire. Ça, elle ne savait pas. Normalement, elle devait sortir de la salat. Normalement, elle devait sortir de la salat. C'est quand quelqu'un se rappelle, non, je sais, elle n'est pas sortie parce qu'elle ne savait pas, c'est ça. Maintenant, je vous apprends les règles. Quand quelqu'un est en plein salat, il se rappelle qu'il n'a pas le wudu, ou bien il se rappelle qu'il a, par exemple, des vêtements intérieurs qui sont sales, ou là, ils contiennent de la souillure, ou là, qu'est-ce qu'il fait? Il doit sortir de la salat. Il va faire le wudu. Ensuite, quand il revient, s'il est imam, il peut revenir encore imam. Il peut aller à la place de celui qui a continué à guider et il reprend sa place. Ou bien, s'il veut pas, il vient derrière et prend une place normalement. Maintenant, quant à elle, quand elle était en plein salat, normalement, elle devait sortir. Maintenant, elle n'est pas sortie, elle a continué. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle refait le wudu et la salat. Et les autres ne font rien. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait la prière avec l'intention qu'elle était vraie. Et ils n'ont rien su que quand la salat est terminée. C'est pour ça que elles, les autres, ne reprennent pas la salat, inshallah ta'ala. Naam. Ibn Muhammad, tafadlal. Ibn Muhammad, d'où il est venu, Ibn Muhammad? Il n'était pas dans la liste. Tafadlal, la dernière question, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullah. Une personne qui a ses ablutions et elle se dit qu'il va les refaire, mais ne les refait pas, il fait la salat. Quel est le jugement sur la prière? La prière est juste à 100%. Pourquoi? Parce que seulement il a dit je vais refaire. Et les refaire, c'est une sunnah, ce n'est pas une obligation. Refaire les ablutions alors que tu les as déjà, ce n'est pas une obligation. C'est tout juste une sunnah si tu veux les refaire. Donc celui-là, c'est comme s'il a dit je vais faire le bien et il n'a pas fait. C'est comme si quelqu'un il a dit demain je vais donner 10 euros à un mendiant. Ensuite il n'a pas donné. Donc inshallah ta'ala, sa prière est sahiha, inshallah ta'ala 100%. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il n'a pas fait. je vois ici dans la liste Ukhti Fillah. Comment vas-tu Ukhti Fillah? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Maintenant, inchallah ta'ala, je vous laisse parce que on a déjà dépassé. Fika barakallah. On se rencontre inchallah ta'ala après demain dans le dars de la aqida inchallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك je vais ajouter quelqu'un ici parce que j'ai besoin de lui comment je vais faire ici audition et partout نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته